Cash Me Your Wildcard sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun depuis 20h. Elle est avec nous, Cindy, 24 ans de l'an. Bonsoir Cindy, toujours là, bien sûr, ma chérie. Hey, toujours. T'as été super ce soir. On a appris que tu étais à la fois clitoridienne et vaginale. On a appris plein de choses. Est-ce que tu veux passer un petit message en toute la France? C'est le moment. Vas-y, ma chérie. Bah déjà, je vais faire un petit coucou à ma meilleure amie Angélique et puis bah mon petit coup de cœur du moment. Ah, c'est le petit mec que t'aimes bien là. Hein. Voilà, mon petit coup de cœur. Puis je dirais à tout le monde, gardez la forme. Ouais, merci. Keep the pêche. The pêche, pardon. Non, je traduis pour les anglophones qui sont moi, à l'écoute ce soir. À chaque fois que ça n'a pas été, ben vous étiez là pour moi puis vous m'avez remonté le moral. Très bien. Oh putain, Cindy. Oh, elle est adorable. Cindy, tu termines cette émission et cette semaine en beauté. Ah ouais. Merci Cindy. Je vous fais tout plein de gros bisous, bisous. Bisous, ma chérie. Bien sûr. Salut. T'embrasse très très fort Cindy, merci bientôt. À toi. Et nous on va revenir dimanche soir. Pareil, oui. Eh ben oui, on sera là comme tous les dimanches, du dimanche au jeudi, Love in Fun sur Fun Radio. Après Love in Fun, 22h minuit. C'est les Elles copines. Elles sont là, les filles. Marion et Anso. Ouais, elles sont bonsoir. Présentes. J'ai l'impression qu'il y a un invité ce soir. Ah, ouais. Ce soir, il y a du lourd dans le night show. Black M. Ouais. Ah, il est fort. Il est très fort. Nouveau son et tout, tout ce qui va avec. Vous avez prévu des petites surprises, j'imagine. Plein de surprises, mais tu sais pas à quel point des surprises. Et des grosses. Du striptease. Du striptease, bien sûr, pour Black M ce soir, entre autres. Tout à fait notre genre. Amusez-vous bien, éclatez-vous, les filles. On se retrouve dimanche en direct. Bisous, bon week-end à tous. Bisous, tu es belle, Anso. Bisous, toi aussi, Marion. Connaissez-vous l'histoire de Marion et Anso, le Night Show? Tout commença il y a un peu plus d'un an. Bonsoir Marion. Bah, enchantée, moi c'est Anso. Dès les premiers instants, une amitié sincère naquit. Et franchement Marion, je comprends pas pourquoi je trouve pas de mec. Bah tu sais que moi non plus je comprends pas. Non mais c'est vrai, t'es quand même vachement belle pour une moche. Une amitié... vraiment profonde. Anso, t'en penses quoi de ma robe? Eh ben, franchement, je trouve ça parfait. Ça te ressemble, ça fait te pu. Très vite, elles firent la connaissance d'auditeurs très particuliers. Merci beaucoup. T'es une figure de bite. T'es un blaireau, toi. Super. Petit à petit, elles créèrent même leur propre langage, qui allait bientôt être repris par tous les poteaux du royaume du Night Show. Oh, burn. Ça carbone. Gentil chat. Ça marche. Oh, la barbe. Marion et Anso vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Les sourcils d'Amir. Je vous emmerde. Thibaut à l'aréa. Les filles, vous êtes mes soleils qui illuminaient mes jours de pluie. Et Pépère. Hé hey, les filles, on fait un plan à trois. Night Show. Marion et Anso, le Night Show de 22h à minuit sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Salut. Vous êtes sur Fun Radio, on est ensemble en direct jusqu'à minuit. Et vous savez quoi? Bah figurez-vous qu'on est content d'être là. Ah oui. On est content de vous retrouver encore une fois là, comme tous les soirs, avec une grosse soirée. Mais d'abord, accueillons celle qui égaye ma vie, mes journées, même mes nuits, car parfois elle m'envoie des textos à 3h du mat. Ouais. C'est Marion, bonsoir petite brune. Je dirais plutôt celle à qui tu caches des choses en ce moment. Comment ça, je cache des choses en ce moment? Tu devais pas aller manger une glace avec quelqu'un, toi? Ah si, mais je vous l'avais dit dans l'émission que j'avais un rencard avec un mec. Glace à Montmartre, mardi, j'ai annulé. Voilà. Et voilà, dès qu'elle a une occasion, bim, elle annule. Non, j'y vais demain. D'accord, et toujours une glace ou autre chose? Non, toujours une glace, il vient me chercher chez moi et on va manger une glace demain après-midi. Donc on... chez toi? Non, on part, il vient me chercher chez moi et après on part manger une glace quelque part. D'accord, donc là on apprend à se connaître. Ouais. Et allez, samedi ou dimanche on ken, c'est ça? Bah même vendredi soir, j'espère. Allez, bon, très grosse émission ce soir les copains, puisque ça y est, enfin on le reçoit, c'est Black M qui sera là. Ouais. Je suis français, ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Ah, on est contente. Alors, je vais pas tout vous dire maintenant, mais on lui a réservé de très grosses surprises. Je pense qu'il va être content, il va avoir du jamais vu dans cette émission. On a bien bossé, donc restez là. Je peux notamment vous dire qu'on aura de la parodie, on aura des gens pour lui qui vont venir en surprise. Surtout, ne manquez pas cette émission. Et tout à l'heure, on aura le retour du Pokélost aussi, parce que vous êtes hyper nombreux à vous inscrire à ce jeu. Je vous rappelle les règles. Vous faites croire à papa ou maman que vous êtes perdu en train de chasser du Pokémon. Ça panique, ils acceptent de venir vous chercher. Bim, vous repartez avec du gros cadeau, notamment des billets d'avion pour Londres quand même, grâce à Vueling. Ils sont sympas chez Vueling quand même. Hyper sympa. Et puis bon, on va parler cul comme tous les soirs. Voilà. Ouais, et on va écouter du bon son. Il y aura le nouveau Madcon ce soir. Tellement bon. Et puis il y aura une autre nouveauté qu'on adore, c'est Felix Jane. Trop frais. J'adore sa voix. Et évidemment, on aura le live de Black M. Je suis chez moi tout à l'heure. En plus, il y a plein de micros. Je pense qu'il va y avoir du monde sur ce live. Ça va être sympa. Excusez-moi, est-ce que ça sentirait pas un peu la bonne soirée, quoi? Ah bah si, surtout que les garçons sont en forme. Bonsoir, Amir des réseaux sociaux. Salut les filles. Comment ça va? Bien, bien, bien. Bon, toi, t'es fan de Black M. Ah, et comment? T'es content? Façon, WhatsApp en général, je kiffe tout le monde. Ouais, moi, c'est pareil. Bon, top. Tu vas lire plein de messages pour lui tout à l'heure avec le hashtag Le Night Show. Et j'aimerais bien qu'on mette hashtag Black M dans le Night Show en TT, là. C'est possible. Allez, les gars. Allez, on s'en fout. Il y a Secret Story, tout ça, mais on s'en fout, là. Ouais. C'est Sophia qui va sortir. Allez, hop. C'est dit. J'en sais rien. Ah non, je veux pas qu'elle sorte. Oui, bah, c'est l'autre. Bon, d'accord. Bon, bonne journée pour toi, sinon Amir. Écoute, très bien, je vais t'avouer un truc. En fait, j'ai passé la journée un peu à mater les nouvelles caractéristiques de l'iPhone 7 qui sort. Ah oui, mais ils en ont parlé hier soir, il y avait la keynote. Ouais, c'est ça. Et donc? Bah, du coup, je suis content, mais rien de fou. Il y a d'ailleurs une grosse polémique autour des écouteurs là. Qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de gros coton-tiges moches. Ouais, ça ressemble à des mégots de clope. Ouais, et puis j'ai du mal à croire comment tu peux avoir un parler en kit main libre un truc qui t'arrive en haut de la joue. Ouais, c'est un micro, mais ça capte le son qui sort de la joue directement. 179€ les filles. Le quoi? Les écouteurs? Les écouteurs. Ah ouais, quand même. C'est pas possible. 179€. Oh, bah, 5 heures d'autonomie. Ouais. Et après, il y a un petit boîtier, et puis vous mettez les écouteurs dedans, ça les recharge. Moi, le seul truc que je trouve cool, c'est le fait que ce soit étanche. Voilà, ça évitera les accidents, l'iPhone, dans ton bain, tout ça. Oui, bien sûr, l'iPhone. Ouais. Mais sinon, rien de fou, on est d'accord. 179 balles les écouteurs. Ouais. Ouais. mais c'est pour moi, c'est une fortune. Bah, je me dis le nombre de fois où j'ai perdu les miens. Ah, bah non, mais grave. Je vais arrêter d'écouter de la musique. Cela dit, avec Phil, 40 balles, c'est abusé quand même. Ouais, mais bon. Ouais. Bon, ça y est, ça. C'est fini le petit débat sur les prix ou on peut passer à Thibaut à l'arrière, les gars. Allez. Bonsoir Thibaut. Salut les filles, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bah, je suis content, il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle quoi en fait aujourd'hui. Ah bon, c'est quoi? Bah, la bonne nouvelle c'est que bah on est en week-end, mais la mauvaise nouvelle c'est que pendant deux jours bah je vais pas vous voir et franchement je sais pas comment je vais tenir. Oh là là, bébé chat. Mon cœur. C'est mignon parce qu'en plus vous le voyez pas, mais il nous fait sa tête hyper attendrissante de Cid là. Oh là. Il nous regarde dans les yeux et c'est bien, c'est beau. Il fait un câlin. Bonsoir Enzo du Standard, comment ça va? Bah, moi je suis jaloux les filles. Pourquoi? Bah, lui il vous donne de l'amour, moi j'essaye, mais vous le remarquez jamais. Bah, genre, tu donnes jamais rien toi? Bah, si, je vous fais des bisous, je vais vous chercher des cafés, je vais vous chercher tout ce que vous voulez. J'ai jamais rien à l'amour. Attends, excuse-moi, t'as été me chercher un café en saison 2 là? Pas du tout. Ouais, je me dis bien. Et en plus, le gars passe la soirée avec le gars que j'ai envie de rencontrer depuis 1000 ans, à savoir DJ Snake. Ah oui? On l'a vu hier soir en boîte. C'est vrai. Je suis dégoûté quoi. J'étais heureux. Mais raconte, tu lui as parlé ou pas? Bah, ouais, je lui ai dit de travailler dans l'émission du Night Show, il a dit ah ouais, Yanso, après il est parti. Menteur, il a pas dit ça. Non, ah, d'accord. Ouais, il s'en foutait quoi. Il a juste dit c'est cool. Ouais, il a juste dit c'est cool. Et après, il est parti, t'es avec ses potes. Oui, t'aurais pu lui dire je suis garagiste, c'est peso. Ça aurait été pareil. Pareil. Et du coup, il y a plein de monde qui venait le voir pour des photos et tout. Bah, non, pas trop, parce qu'en fait, il a pas trop été reconnu. C'est grâce à notre stagiaire Nico qui est hyper fan de lui. Et il nous a dit qu'il était au bar, on est parti le voir. Il se reconnaît quand même, Snake. On vous a mis une photo de Enzo et lui là sur le Twitter. Allez voir, franchement, beau gosse. Ouais. Présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Eh ben, c'est Juliette, elle a 24 ans, elle habite à Lyon. Elle est passée hier soir à 23h30 pour nous dire qu'elle n'aimait pas embrasser. Ah oui, Est-ce qu'elle a roulé des pelles hier soir? Ah oui, alors, il faut qu'on vous explique. On avait lancé le grand débat, est-ce qu'on s'embrasse pendant l'amour? Puisqu'on vous rappelle que 70% des couples mariés ne s'embrassent plus pendant l'amour. Ouais. Et Juliette nous avait appelé pour réagir et nous a dit « Moi, je n'embrasse jamais à 24 ans parce qu'on m'a dit trop de fois que j'embrassais mal. Du coup, ça fait 3 ans que je suis avec mon mec et jamais de pelle. » Du coup, on lui a dit « Hop, hop, hop, au travail, tu vas rouler une pelle à ton mec. » Ouais. Et donc, du coup, elle y est allée, elle nous a bien écouté. Bonsoir Juliette. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Comment ça va Juliette? Tout excitée. Alors, première question déjà, est-ce que quand tu as raccroché hier, tu as fait ton devoir? Est-ce que tu es allée embrasser ton mec? J'ai fait mon devoir et j'ai été l'embrasser. Ah, je l'explique. Les gars, elle l'a embrassé Juliette, Juliette, Juliette. Et alors, comment ça s'est passé? Comment t'as fait? Est-ce que tu as suivi nos conseils? Bah écoute, j'ai essayé déjà, il fallait que je trouve une excuse pour... avancer vers lui pour l'embrasser, donc du coup je l'ai caressé, tout ça. J'ai fait vos conseils et honnêtement, voilà, ça m'a fait bizarre parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Mm-hmm. Donc un peu bizarre et il avait été très surpris. Franchement, je n'attendais pas du tout parce que forcément je l'avais jamais fait. Mm-hmm. Mais bon, après, il a pas été déçu, donc je vous avouerai que j'ai pas recommencé. Mais bon, je ne laisse pas refaire vivre, hein. On va continuer tout doucement et puis voilà. Mais en tout cas, j'ai fait mon devoir. C'est déjà un gros pas et je pense que quand même, il a été content. que t'aies fait ça. Bah, il m'a pas dit qu'il était pas content, donc je pense que oui. Il mais a oui. été surpris agréablement, en tout cas. Ah, bah, tu vois, Juliette, tu vas devenir la pro de l'appel. Et alors, depuis hier, je te donnais un conseil, c'était qu'il fallait respirer pendant que t'embrassais la personne. Est-ce que t'as bien pensé à respirer? Super conseil. Oui, j'ai respiré, mais ça n'a pas duré trop longtemps, du coup, j'ai pas bavé non plus. Oui, Thibaut, à l'arrière. Ouais, est-ce que t'as pensé à fermer les yeux, comme je t'avais dit? Ah, mais même quand je lui fais un petit bisou, je ferme les yeux, donc ça n'a pas été un ouais, problème. Mais attendez, parce que moi, je suis pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord avec ouais, Thibaut. Non, moi, mais... je suis pour ouvrir les yeux si on a envie d'ouvrir les yeux. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de truc exact non, mais qui dit qu'il ne faut pas ouvrir les yeux quand on embrasse quelqu'un. T'es team psycho, toi. Je te jure, ça fait hyper bizarre d'embrasser quelqu'un qui a les yeux ouverts. Mais non. Si. Mais non, tu partages un moment non. hyper intense. Mais non, si. T'es trop près. Tu vois trop la personne, ça louche et tout. Je te jure, il n'y a que toi qui trouve. Dans l'équipe, qui embrasse les yeux ouverts? Levez la main. Ah, y a Yannick du standard. Ouais, voilà, mais Yannick aussi, il est psychopathe. Ouais, oui. Amir, oui, tu disais. Ils sont fermés, mais ouais, en fait, ils sont fermés. Ah, un oui. petit peu entre-ouvert, genre. Ah oui, entre-ouvert. Ah, voilà. Ah, mais c'est voilà. pire que tout ça. Oh là là, mais là, je vous imagine. Bah, attends, j'ai jamais dit que j'étais bonasse quand je roulais des pelles, par contre. Oui, je te confirme. Bon, Juliette, continue sur l'autoroute de la galoche. Merci beaucoup. Dire, on t'embrasse. Merci beaucoup les filles, gros bisous. Et puis faites un bisou à Black M de ma part parce que je l'adore. Eh bah, pas de soucis. Nous lui dirons que Juliette, la nouvelle embrasseuse, l'embrasse. Y'a pas de soucis. Bisous Juliette. Bisous les filles, à bientôt. Ciao. Bon, dans un instant sur Fun Radio, il arrive. Black M sera avec nous dans les studios. Il va faire un live aussi, on lui a préparé plein de surprises. Et si vous avez des questions à lui poser, eh ben, il suffit de nous appeler maintenant 01 42 48 5000. Le numéro est totalement gratuit en plus, donc lâchez-vous. Et puis ça marche aussi avec le hashtag Black M dans le Night Show. Oui, hein, en TT, allez. En TT. Et alors franchement, si vous étiez fort, vous nous mettrez le truc en TT monde. Ouais. Et vous nous refaites un truc de fou. Hein. Allez, restez avec nous, on va accueillir tous ensemble Black M dans un instant. Vous avez des questions quand même à lui poser, des questions ouais. Un peu marrante l'équipe. Un peu marrante, je sais pas, mais pertinente, oui madame. Major Lazer sur Fun. Tout de suite. T'as pas calé l'ordre. Non, mais parce que Thibaut l'a relancé aussi. Ah, con, alors. Vas-y, rajoute un truc. Allez, pour finir. Allez, c'est Cold Water, je vous aime. Poutou tout nu. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Send me 22h13, c'est Marion et Anso, le Night Show, et là c'était Major Lazer. Alors je vous cache pas que normalement, on devrait être avec Black M, mais qui a deux minutes de retard, il est au bout de la rue. Ouais, voilà. Bah attends, donc, ça arrive à tout le monde ça. Bah, ça va. Il arrive et c'est surtout pas à lui qu'on va faire des reproches parce qu'on l'adore. Donc continuez à l'appeler, là, 01 42 48 5000, on prend toutes vos questions, même si vous voulez lui dire juste un petit mot, un petit bonjour, une dédicace. Il n'y a pas de souci. Et moi je vous propose, la team, ouais, qu'en attendant, puisqu'il arrive dans 30 secondes, on se fasse un petit dans mon sac j'ai. Tout de suite, hein. Ah ouais, cool. Bah oui. Ouais, c'est marrant. Tu sais, c'est un truc qu'on avait fait, on a fait ça à la rentrée, c'est un jeu qu'on peut tous faire. Oui. En gros, le but c'est, bah Marion, tu commences par dire un mot, moi j'en rajoute un, chaque membre de l'équipe, jusqu'à ce que bah on n'arrive plus à se rappeler. Ouais, c'est un jeu de mémoire, je commence. Okay. Vas-y. Vas-y Marion. Dans mon sac, j'ai un album. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M. Enzo. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M aux gros yeux. Ok. Yannick au standard. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M aux gros yeux, ouais, que je kiffe. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M aux gros yeux que je kiffe de ouf. Ça, c'est dur, les gars. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M aux gros yeux que je kiffe de ouf. Que j'ai offert à ma mère. Bah non, mais ça va pas, Marion. Allez, jouez. Ça, c'est abusé, ça. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M aux gros yeux que je kiffe de ouf, que j'ai offert à ma mère, qui a, elle, également des gros yeux. Oh, dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M que je kiffe de ouf. Okay. Oh putain, vas-y, ça me fait... Enzo. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M que je kiffe de ouf, que ma mère... Allez, Yannick au standard. Yannick, il prend ça beaucoup trop au sérieux. Vas-y. Dans mon sac, j'ai un album de Black M aux gros yeux que j'ai dédicacé. T'y vois l'arrière. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M que je kiffe de ouf. J'ai abandonné là. Ah, c'est mort, t'as perdu, mon cul. Alors, c'est moi. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M aux gros yeux que je kiffe de ouf, que j'ai offert à ma mère, qui elle aussi a des gros yeux, et c'est une pute. Oh bah, ça va pas la tête. Oh, non, mais elle est folle. Bon, et vous savez quoi, on arrête? Non. Bon, d'accord. Dis que t'as perdu. Dans mon sac, j'ai un album dédicacé de Black M aux gros yeux, que je kiffe de ouf, que j'ai offert à ma mère, qui a elle-même des gros yeux, et c'est une pute. Oui, c'est ça. Pas ça. C'est ça. Et c'est une pute, mais sympathique. Non. Bon, allez, on arrête. T'as gagné. Bon, allez, restez avec nous. Black M va débarquer dans un instant. 01 42 48 5000 pour lui poser toutes vos questions. Il monte là. Il monte. Ah. Et je vous promets un truc, les gars. C'est qu'on ne fera pas de dans mon sac j'ai avec Black M. Restez là, on se retrouve juste après Carla's Dream. Ça, c'est le son préféré de Babber, de Marion. Héroïnomane. Ca un hoț a intrat supera mea și știi. Eu te rog să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva. Te ține de mine, de noi, pentru că tu ești supera mea. Oh, eroină, oh, oh, eroină, oh, eroină. 1-2-1-2, moi c'est Black M. Elles, ce sont Marion et Anso, le Night Show. C'est comme la section d'assaut, mais avec des meufs à franges. Yeah. Marion et Anso reçoivent Black M sur Fun Radio. Et ça y est, la France, il est avec nous en studio. Black M. Ouais. Black M. Ah. Ça s'arrête un moment. On est contente. Bon, bonsoir Black M et bienvenue dans le Night Show. Alors, il faut que tu allumes juste là, ouais. Ici, à ta droite, on. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Perfect. Perfect. Alors, comment vas-tu déjà ? Très très bien, et vous ? Bah, ça super. Va. Super, comment c'était les vacances cet été, tout ça ? Ça va, j'ai beaucoup travaillé, j'ai presque fini l'album. Ouais. Encore fini, je suis encore en studio en ce moment. Sinon, les vacances, nickel. Cool. Nickel. On a hâte, hein. Cet album, on a hâte. Bah ouais, il arrive le 28 octobre, donc il faudra patienter un petit peu. Grave. Mais ce sera parfait pour tout ce qui est Noël et tout ce qui est anniversaire. Ouais. L'album s'appelle Éternel Insatisfait. Et tu vas partir aussi en tournée. On a appris ça aussi, en tournée des MJC, ça c'est cool. Ouais, ouais, on va faire le tour des MJC mi-septembre. C'est bientôt là, bientôt, ouais. Ouais. Et ouais, voilà, je vais aller rencontrer mon public un peu avant la sortie, c'est cool. Et on va vous mettre d'ailleurs toutes les dates, hein, si vous voulez aller voir Black M en France, on vous les met sur nos réseaux, tout ça, quoi. On est dans le partage, quoi. Exactement, et de la part de toute l'équipe, on voulait te dire bravo pour ton clip, parce que merci franchement, beaucoup. On s'est régalé de ouf. J'ai vu le tweet, merci beaucoup. Ouais, bah ouais. 4 millions de vues hein, déjà, hein, voilà, personne fait des vues, quoi. Ouais, merci. C'est ça. Nous, on a essayé de danser dans la voiture, c'était un peu ridicule. Bon, bah, on a fait 3 retweets. Ouais, ça tue, merci beaucoup. Bon, Black M, on a des questions pour toi. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. On a Athès de Nancy qui est avec nous. Bonsoir, Athès. Oui, bonsoir. Bonsoir, les filles. Oui, bonsoir. C'est joli comme prénom. Bonsoir, Black M. Yeah, Black M. Mon gars, ça va ou quoi ? Ah, trop content d'avoir Black M au téléphone. Merci, frérot. Content. Eh ben, vas-y, hein, profites-en. Ben, moi, j'avais une question à te poser, Black M. C'est, ouais. Je voulais savoir, en fait, de quoi tu t'es inspiré pour faire ce titre Éternel Insatisfait. Pas Éternel Insatisfait. Je suis de quoi moi. Tu t'es inspiré pour faire le titre ouais, Je suis chez moi, voilà, oui. Je me suis inspiré de pas mal de choses. T'as vu, en France, ces derniers temps, enfin, il y a eu des événements passés un peu compliqués pour la France. Mm-hmm. J'avais envie de dire à tout le monde qu'il faut rester unis, soudés, rester ensemble, très très fort, quoi qu'il arrive. Et en même temps, moi, je sais pas si tu te rappelles, j'ai une petite histoire, une petite polémique. Oui, voilà. Et ça, oui. Qui m'avait touché, que j'avais pas forcément compris et comprise. Et ben voilà, j'ai décidé de répondre musicalement à tout ça. Et je voulais savoir, dans ton album, est-ce que t'as aussi d'autres messages comme ça à faire passer? Ah, ça c'est la surprise, tu me fais dévoiler des ah, choses. Bah, voilà. Ouais. Tu me fais dévoiler des choses, mais t'inquiète, il y aura du bon contenu. D'accord. Eh ben, on attend ça. Merci beaucoup. Athès, on t'embrasse, Bichon. Oui, bah, je voulais faire une dédicace à Youssef, Rachid et Christian. Et ben, okay. Je crois qu'ils t'ont tous entendu et nous les embrassons également. On t'embrasse. Merci Athès. Beaucoup, continuez comme ça, merci beaucoup. Bisous à toi. Bisous. Black M, ton titre est sorti il n'y a pas si longtemps, mais je ne sais pas si tu es au courant. Il y a déjà pas mal de parodies dessus. J'en ai vu une. J'en ai vu une. Sur la rentrée. Ne dis pas laquelle, on va faire un petit jeu ensemble. C'est les vrais faux parodies sur Je suis chez moi, est-ce que tu es prêt ? Vas-y. Ah bah la première, bon bah, le gars m'a cassé mon délire. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'une parodie de ton titre est sortie sur la rentrée scolaire et c'est de faire genre, réfléchis genre un peu. Ouais. Je sais pas, non je crois pas, non. Eh bien si Black M, ça s'appelle Fuck la rentrée, écoute. Fuck la rentrée. Ouais. TSDMTP, je peux m'en passer. Pas mal hein. Devant les cours, le stress, je suis pas pressé. Et qu'est-ce que t'en penses justement de ce genre de parodie? Ça te fait marrer ou tu te dis... Ça me fait marrer, bien sûr. Bien sûr, je l'ai vu entière cette vidéo d'ailleurs. Franchement, elle est cool. Et le mec, il doit être fier. J'ai bien rigolé. Ouais. J'ai bien rigolé, s'il nous écoute, big up. Bah, on l'embrasse. Est-ce qu'une parodie nommée Je suis Fonce D a été reprise par Joe Star, à ton avis? Non, mais il devrait. Ouais. Est-ce qu'une parodie de ton titre est sortie sur les Pokémon? Je sais pas, non, je crois pas. Eh bien, si, ça s'appelle Je suis Pokémon et c'est pas mal non plus, écoute. À travers toute la France, il cherche Mulissa. Ma maîtresse Nicole a trouvé Ratata. Mais mon papa, lui, pourtant, il n'aime pas ça. Ratata. Je suis Pokémon. J'aime bien. Et les gens, ils se déchirent. Ah, bah, grave. Mais c'est ouf, en si peu de temps, moi, ça me fait halluciner, quoi. J'avoue, c'est en peu de temps que. Carton. Les parodies commencent. Est-ce qu'une parodie de ton titre nommé Je suis fauché a été reprise par Anso ici présente? Oui. Alors, non, mais ça aurait pu. Hein. Non, j'ai pas encore gratté, mais c'est tellement ça. Donc, ouais, je suis chaud. Est-ce qu'une parodie de ton titre est sortie avec les Chipmunks? Ouais. Ouais. Bah, je suis sûr que. Alors, par contre, c'est une grosse escroquerie parce que c'est juste, en fait, ils ont pitché ta voix. Hein. Ouais, c'est toi, pitché. Ouais, bah ouais. Non, ça, c'est Pokémon. Ça, c'est Pokémon. Avec. Alors, je l'ai plus le son, mais je vais retrouver. Oh, mais Thibaut, elle a l'air. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Thibaut, tu vas avoir un gage avant la fin de cette émission. T'es obligé de tout nous rater. Bon, tu nous la retrouves avant la fin, d'accord? Est-ce qu'une parodie de ton titre nommé Je suis Teubé a été repris par les anges de la télé-réalité? Non, je pense pas. Non, évidemment que non, mais ça aurait pu aussi, on est d'accord. Bon, on a du monde pour toi au téléphone encore, le temps qu'il nous trouve cette parodie, Thibaut, sinon, tu sais ce qui va t'arriver, bichon. Ouais, t'as l'habitude maintenant. Ça va encore mal finir. Tu l'as, moi, celle-là. On a Julien de Paris qui nous a appelé. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Ça va, Julien? Allô? Allô, Julien. Il est timide, Julien, ça va? Et ça va, et vous? Bah ouais, bichon, tu voulais poser une question à Black M? Ça va, Julien? Ouais, ça va, Black M. Cool. Bah vas-y. Je te kiffe grave. Merci beaucoup frérot. Merci, c'est gentil. J'aime tout ce que tu fais et j'ai kiffé ton dernier clip. Merci beaucoup, ça fait plaisir, merci. Ça fait chaud au cœur. J'aime tout et je te suis depuis le début avec Section d'Asse. Franchement, je suis trop fan. Merci frérot, ça fait plaisir. C'est gentil ça. Merci. Mais par contre, il y a juste un son que j'ai pas aimé un peu, c'est à l'est. À quoi? À l'ouest. Ouais, j'ai pas trop aimé. Pourquoi tu l'as pas aimé? Parce que j'ai pas trop aimé. Parce que moi, je suis pas africain et à l'ouest, je sais pas, j'aime pas. C'est une blague? Non, mais attends. Julien, il y a des choses qu'on peut pas dire. Hein, ah ouais, tu peux pas dire des trucs comme ça, Julien, franchement. Non, en fait, je me sens pas concerné en fait. Je suis moi-même à l'est. Hein. T'es à l'est? À l'est ou à l'ouest? Je comprends pas. C'est à l'ouest. Ouais, c'est à l'ouest. T'es à l'est toi ou à l'ouest? Ouais, je suis à l'est. T'es à l'est? D'accord. Si tu veux, je te fais un remix. Bah ouais. Je suis à l'est. Tu veux que je te fasse un remix? Mais par contre, si tu fais le remix, est-ce que tu peux appeler MHD? Ouais, bien sûr. Tu peux l'appeler? Ouais, bien sûr, je peux l'appeler. Attends, je te le passe. Ouais, c'est MHD. MHD, les gars. Mec, t'es hyper fort pour changer ta voix, quoi. Ah ouais. Tu m'as tué, mon gars. Grave. Je suis pas africain, il a dit. Tu sais que j'ai douté un moment. Je me suis dit, mais attends, cette voix, je la connais. Oh, putain, c'était trop bon. Ça va, MHD? Tranquille. T'es une galère. Mais t'es où, là, MHD, en ce moment? Parce que j'ai l'impression que tu fais le tour du monde depuis quelques temps. Non, là, je suis à Cannes. Là, je reviens à Paris demain. Ok. D'accord, bah écoute, passe nous voir. Et du coup, ça s'est passé comment la collab là? Profitons-en entre vous deux. C'était qui a eu l'idée? Comment ça s'est fait tout ça quoi? Ça s'est fait au feeling. On a le même compositeur qui s'appelle Danny Sainté. Big up à Danny. Et voilà, j'ai demandé à Danny de me ramener à MHD parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. Ouais. J'avais vu ses vidéos sur internet. Et voilà, il est venu au studio et on a les mêmes origines. On vient tous les deux de la Guinée. Ok. Et du coup, voilà, on est parti sur ce morceau à l'ouest. Et ça a donné ça. Mon gars. Au top. Fort. Merci, mon gars. MHD, t'es le bienvenu dans cette émission quand tu veux, tu le sais. Hein. Y'a pas de soucis, on va essayer de passer. Bon, au top. On t'embrasse. Y'a gros big up à vous, gros big up à Black M. Merci, et à plus tard. Et satisfait, ça arrive fort. Merci, mon bisous gars. À toi. Bisous. Si vous voulez appeler Black M, lui parler, tout ça, bah, c'est possible. Appelez-nous 01 42 48 5000 pour nous appeler. Puis dans un instant, Black M, je te le dis, on t'a préparé une surprise, mais de malade. Ok. On va élire tous ensemble qui sera le meilleur Black M. Ça marche. Et tu vas jouer avec nous. On se retrouve juste après Madson avec Willy William. C'est tout de suite sur Fun Radio. Marion et Anso, on est en direct jusqu'à minuit. You know I've been around the world, yeah. But nothing can beat the feel of you putting that thing to work like a 9 to 5. You got them sun-kissed eyes, girl, you hotter than July. If I act a fool, it's because of you. You take me back in time, feels like 1989. If I act a fool, it's because of you. How am I supposed to keep my cool? viens me tester. Tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb et tu le sais, tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le size. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. T'es sexy, ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the meter. Repeat to myself, keep calm when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my cool? C'est Marion et Anso, le Night Show, et avec Black M ce soir. Mais qu'est-ce qu'on kiffe? Je suis français, je suis chez moi. Yeah! Alors, on a retrouvé la parodie, la fameuse. L'escroquerie parodie, en fait, hein, les Chipmunks qui ont juste pitché ta voix. Écoute, ça donne ça. Je suis français! Ouais. Bon. Mais je crois qu'ils font ça avec absolument tous les artistes, il faut qu'ils arrêtent en fait. Ouais, ils le font avec tout mon album, ils le font avec tous les artistes. Voilà, parce que c'est des putains d'écureuils en fait, voilà, donc ça n'a aucun sens. Si jamais ils écoutent, on arrête, voilà, on a compris, voilà, je sens pas ça. Une fois, maintenant c'est fini. On a compris le délire. Bon Black M, est-ce que tu es prêt à jouer avec nous? Je suis prêt. Tu vas voir, t'auras rien à faire, juste à être un bon juge, ok? Ouais. Ok. C'est parti. 1-2-1-2, moi c'est Black M. Écoutez Marion et Anso, le Night Show, avec moi sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Qui sera le meilleur Black M? Je t'explique, nous avons sélectionné 3 talents. 3 talents fans de toi qui ont préparé des covers de tes titres, ok? Ok. Ils vont défiler devant toi, ils ont des styles bien différents, tu vas voir, des profils atypiques. Et à la fin, tu vas devoir élire celui qui t'a le plus convaincu. Le meilleur Black M. Le meilleur Black M. Ça marche. On commence avec le candidat, hein, faites entrer, Studio Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Alors, évidemment, on se attention. Met en Facebook Live. Là. Comme ça, vous pouvez tout suivre sur la page Facebook Marion et Anso, ça va bien se passer. Daniel, il y en a peut-être parmi vous qui la connaissent, hein, elle a une grosse communauté sur Facebook, elle fait plein de trucs, elle est extrêmement drôle. Et donc, elle va essayer de devenir le nouveau Black M. Comment ça va, Daniel? Ça va très, très, très bien. Bon, alors, Daniel, très, très bien. Elle a mis une casquette à l'envers. Ouais, elle est fraîche comme tout. Ah oui, oui. Elle a répété. Quel titre tu as choisi? Alors, j'ai choisi casquette à l'envers. D'accord, pas mal. Voilà. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. 3, 2, 1, instru, c'est parti. Daniel, en live. 1. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle, ronde avec une skate-car. Et monte-les en l'air s'ils ne te respectent pas. Dans ma vocibule, le temps me fout les boules. Je l'ai juste mise à l'envers, ne cassez pas les casquette à l'envers, Harry au camp, il y a de l'action. Celle de Black M a plus de valeur que le dentier de Daniel. À Fun Radio, je la retire, hop. Et encore moins, au Nacho, W-A-T-I-B, qu'on fait pas. Qu'on pas avec elle et ma vie est synonyme de casse-tête. Black M n'a pas retourné sa veste, il a retourné sa casquette. Studio Daniel au mec 75 007, je représente la rue du Bac. Ouais, Merci, merci, merci beaucoup. Du bruit pour Daniel. Merci les enfants. Merci, merci. Alors, attention, pour faire mieux, je sais pas. Hein, c'est dur. Elle a gagné déjà. Non, ah bah attends, non. T'as pas vu la suite. Est-ce qu'on te demande J'attends la suite. Est-ce qu'on te demande de te mettre une note sur moi? Ouais, tu peux déjà mettre une note ou en tout cas la noter dans ta tête. Tu vois, tu la notes là, comme je ça. La note, je la on note. Verra après. Ouais. Et après, on fera le total. Bravo, Daniel. Bah, merci beaucoup. Hein, merci. Beaucoup. Vous êtes tous sympas. Hein, vraiment. Merci, Daniel. Et je dis bonjour à ma fille Sandra qui attend un petit bébé pour le mois de novembre. Ah, bah très bien. Voilà. Voilà. Bon, voilà, voilà. Daniel, ouais. On va se retrouver dans quelques instants pour le jugement. Ok, ok. Et puis, juste le temps d'accueillir le candidat 2, d'accord? Ok, pas de problème. Alors, merci, Daniel. Merci à toutes, à toutes. Allez, au revoir. Au revoir. Un moment donné. Merci Daniel. Elle est géniale Daniel. Je l'adore. Il faut enlever le casque Daniel. Elle part avec le casque. Magnifique. Bon, c'était pas mal. On va accueillir le candidat numéro 2. C'est une candidate. Ouais. Elle est toute jeune, tu vas voir. Elle est fraîche, elle chante bien. Elle avait même participé à The Voice Kid. Elle s'appelle Levana. Bonsoir Levana. Bonsoir. Comment ça va chérie? Ça va bien. Alors parle dans le micro ma puce. T'as quel âge déjà? J'ai 10 ans. T'as 10 ans, d'accord. Bon, tu te sens bien? Ouais. Bon, toi, t'as l'habitude de chanter tout ça, ça le fait ouais. quoi. Ouais, les caméras, tout ça, ça bah, peut nos chers voisins, TF1. Ouais, c'est vrai qu'en plus, elle est comédienne. Bah oui, stylée. T'as choisi quel titre? Sur ma route. Ok, et eh bah écoute, chérie, on t'écoute, tu pars quand tu veux. Yeah. On y va. Attention. 1-1. Levana. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Ouh. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Ouh. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Ouh. Une vie de route. Sur ma route. Ah ouais. Sur ma route. Sur ma route. Eh bien, hein. Lourd. Sur ma route. Bravo. La mignonnerie de cette gamine. Du bruit pour Levana. Black M, un commentaire sur Levana. Magnifique. Mignonne. Magnifique. Hein. Très très mignonne, magnifique. Dans les temps et tout. Dans les temps. Alors il va mettre la petite note. On verra après, chérie, si t'as gagné, d'accord? Ça va être serré. Hein. Ah, de ouf. Moi, je vois les notes de Black M. Je vous le dis, il est très généreux, le gars. On est sur quelqu'un de pas objectif. Hein. Parce que quand même. Non, arrête, ils sont mignons. Oui, arrête, ils sont mignons. Bah, enfin, j'ai vu la note pour Daniel. Bon. Je suis obligé. Daniel, on est ensemble. Alors, le troisième candidat, tu vas voir, je sais pas si tu l'as déjà vu. Il est absolument fan de toi. Il se dit sosie de Black M officiel. D'accord. Et il se fait appeler Big Black Momo. Du bruit pour lui, s'il vous plaît. Il lui ressemble de ouf. Hein. Il est un peu impressionné parce qu'il est vraiment très très fan de Big toi. Big Black Momo, c'est comment? Ah bah franchement, ça fait plaisir de te voir. Ça va? Ouais, en chair, cool. En os. Ouais, cool. Merci. Allez voir franchement, sur, j'ai plus le temps, je voulais le voir et voilà. Et bah, il est là. Allez voir sur la page Marion et Anso, on est en Facebook Live. Dites-nous s'il lui ressemble ou pas. En fait, il lui ressemble surtout quand il chante. Ouais. Tu vas voir, il essaie de te prendre ses mimiques et tout. T'as choisi quoi comme titre, toi? J'ai choisi son dernier titre, Je suis chez moi. Ok, et ben bah, mon pote, vas-y, fais-nous kiffer. Ok, c'est parti. Oh, oh. Yeah. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse de colle m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde au haut comme la tour Eiffel. Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les ailes. Les ailes. J'ai vu que Marion m'a tweeté quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Il veut pas que Mayenne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ah oui. Alors là, je suis français. Big Black Momo, le sosie officiel Big ou pas. Momo, je vais noter la note aussi. Bravo. De Black Big M. Big comment Big Black Momo. Je t'ai emprunté le Big Black. Ouais, bah oui, un petit peu quand même. Bon, mon pote, bravo, tu vas pouvoir faire une photo avec lui et tout. Je sais que t'es fan. C'était vraiment son rêve absolu de te rencontrer. Il a fait le déplacement exprès. Merci, frérot. Merci, c'est cool. Ça fait plaisir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer les trois candidats. Elles sont là. Elles sont là. Alors, vas-y, viens, Daniel. Mettez-vous dans l'ordre, Daniel, Levana et Big Black Momo. Vous avez déjà été très bons tous les trois. Franchement, félicitations. Ouais, déjà, ouais. Bravo. Alors, bravo. On n'a pas décidé un truc. Qu'est-ce qu'on offre aux gagnants, hein? Bah, est-ce que un petit album dédicacé, il y aurait moyen le 28 ou comment bien ça sûr, se passe? Bien sûr, ouais, avec grand plaisir. On peut se faire ça. Bien ça sûr. Vous dit? Ah ouais. Alors, Black M, il va être temps de rendre ton jugement. Le problème, c'est que Black M, il va pas pouvoir choisir. Qu'est-ce que t'as non, fait je là? Non, je choisis pas, je suis obligé. Ils ont été formidables tous les trois. Il a mis des vents à tout le monde. Daniela, 20 sur 20. Ouais. Ok. Je suis le prof, je fais ce que je veux. Mais non. Levana, 20 sur 20. Ok. Et enfin, Big Black Momo, 20 sur 20. Bravo. Bon, hey, l'équipe, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en choisit comment, un nous? Comment tu peux départager? On peut pas départager, ils sont tous top, quoi. Ils sont tous top. Bon, bah, du coup, la maison de disques, 3 albums dédicacés, c'est faisable? Eh bah, c'est gagné! Bravo! Bravo à vous! Je suis dégoûtée, moi j'aurais voulu un album dédicacé aussi, j'aurais dû faire bah, vas-y, chante! Vas-y! Non. Allez! Non, c'est pas possible. Bon, restez avec nous puisque Black M ne bouge pas aussi. 01 42 48 5000. Vous nous appelez pour poser toutes vos questions. Il répond à toutes les questions. Il est cool en plus, il met des 20 sur 20 à tout le monde. Ouais, c'est clair. Sympa. Et puis Félix James tout de suite, c'est une nouvelle bombe Fun Radio, c'est Chambé. Écoutez ça, on est ensemble en direct jusqu'à minuit, bougez pas. Hear the whispers about me. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're close my eyes and I just breathe. Le Night Show avec Black M ce soir qui vient nous voir là pour son single Je suis chez moi et yes. Surtout l'album qui débarque le 28 octobre. Éternel insatisfait, on a hâte, je te jure, on a hâte de ouf. Merci, moi aussi j'ai hâte. Tu pourras revenir dans cette émission faire la promo quand tu veux, évidemment. Avec plaisir, bienvenue. Avec maintenant. Plaisir, merci beaucoup. Et on trouvera d'autres sosies, évidemment. Prochaine fois. Il y a Tim de Reims là, qui nous a appelé, qui a une question pour toi, Black M. Bonjour, ouais, Tim. Salut Marion, salut Anso, salut Big Black M. Salut mon gars. Ouais, salut Tim. Vas-y, va Tim. Ouais, ça va et toi? Très bien. Alors, déjà, je voudrais te dire que je t'adore vraiment. Merci beaucoup. Et je sais pas si tu te souviens de, du concert que t'avais fait à Chalon. C'était quand? Il a fait beaucoup de concerts. C'était l'année dernière. Ouais. Bon, pourquoi? Dis-nous pourquoi. Peut-être que ça va lui revenir. Il s'est passé un truc spécial. Parce que ça a défoncé. Ah, bah merci, ouais, beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. T'avais une question, Tim? Ouais, justement, je voulais savoir, bah, toi qui as côtoyé souvent Maître Gims, je voulais savoir si t'avais pas un gros dossier sur lui. Ah! Un gros dossier sur Maître Gims, mais je peux pas te donner un gros dossier sur Maître Gims. Et bah, allez, bon, personne ne saura. Oh, ça là, va, là, je te le dirai, je te le dis que si toi et moi on se voit face à face, je te lâcherai un dossier. Ok, mais bah... Il y a trop de monde qui nous écoute. Mais donc juste, t'as des dossiers quand même. Il est pas parfait. Voilà. Personne n'est parfait en fait. Tu sais quoi, Tim, hors antenne, je vais demander à Black M, donc il va me le dire, parce qu'on sera que tous les deux, et après je le redirai à l'antenne. Voilà, d'accord. Ok, ok, pas de problème. T'es crevarde. Est-ce que tu veux une photo dédicacée, mon pote? Ouais, je veux bien, et je veux juste que Black M me lâche un truc à l'antenne. C'est-à-dire? Mais quoi? C'est-à-dire? Alors, en fait, je tiens une émission sur une web radio. En fait, j'aimerais que Black M dise salut, c'est Black M, machin, machin. Bah ouais, mais machin machin, c'est quoi? C'est quoi machin machin? Tu fais genre salut, c'est le beat Black M, écoute Meet. Écoute Meet, ok. Ouais. Tu veux que je te fasse là tout de suite? Bah, ouais, vas-y. Ouais. Salut, salut, c'est Black M, écoute Meet. Voilà. Et là, il a fait record. C'est enregistré? C'est bon? Ouais, merci. Tu veux pas beaucoup qu'il fasse ton répondeur, tout ça? On est tranquille, la team, ou pas? Eh ben, tant qu'on y est, peut-être que oui. Ça nous arrange pas, mais on te reprend en antenne, t'inquiète, team. Oui. On t'embrasse, merci de nous avoir appelé. Salut, bisous. Bisous. Il y a Gab aussi qui a des questions pour toi, on va le retrouver dans un instant. 01 42 48 5000. Continuez de nous appeler, de toute façon, on est en direct, et puis on bouge pas, alors ça tombe bien, restez là. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Fun Radio présente le jeu le plus attendu sur PlayStation 4. No Man's Sky. Embarquez pour un voyage épique vers le centre d'un univers sans limite. Soyez les premiers à atterrir sur des planètes inconnues, uniques et pleines de vie. Saurez-vous survivre dans des environnements hostiles dans lesquels des civilisations extraterrestres et des bandits veulent y faire régner leur loi? No Man's Sky est maintenant disponible sur PlayStation 4. L'univers est votre seule limite avec Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Let's go. Fun Radio. Fun Radio, je like. Fun Radio. Le son Dance Floor. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen up for your lies. Don't drown your heart, baby, just wait, don't drown your heart. you found. Sing me all the songs you loved. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. C'est Black M. Écoutez Marion et Anso, le Night Show, avec moi sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Ah oui, il est là et en direct dans le Night Show. Continuez à poser vos questions. 01 42 48 5000. Ça marche aussi avec le hashtag Black M dans le Night Show. Et on avait Gab au standard pour toi. Oui, Gab, alors figurez-vous qu'il habite à Reims. Tu connais Reims, Black M? Ouais, de nom. Eh bien, tant mieux parce que moi, pas du tout. Bonsoir, Gab. Salut Marion, salut Anso. Salut Black M. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Black. Salut. Salut Black. Ah, je suis trop content de t'avoir au téléphone depuis le temps. Franchement, je suis super fan de toi et tout. Merci là, beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci. Voilà. Alors, j'avais une question. Je voulais savoir parce que j'ai vu donc les différentes vidéos de stars de soutien. Et en fait, je voulais savoir du coup si c'est eux qui l'ont fait ou si c'est toi qui leur as demandé. Bah ça dépend des personnalités. Il y en a qui ont envoyé d'eux-mêmes et certains je leur ai demandé parce que je les connais. Et voilà. C'était frais, hein. Tout l'été. Il y a plein de stars. Ouais, j'ai vu Amir, Cyril Hanouna. C'était cool, c'était cool. Merci d'ailleurs tout le monde. J'arrête pas de les remercier non-stop. Tout le monde a joué le jeu, c'est hyper sympa. Et surtout les anonymes qui l'ont fait, quoi. C'est grave, surtout les anonymes aussi, surtout. Bon. Merci beaucoup. Gab, est-ce que tu l'avais fait toi? Non, je sais pas que j'ai pas voulu, mais si que j'ai pas eu le temps de le faire. Eh ben, tu vas te rattraper immédiatement, Gab. Et j'avais une autre question. Dis-moi. Et je voulais savoir, t'aurais voulu qui d'autre comme personne pour faire la vidéo qui tient comme personne connue en fait? Ah ouais, est-ce qu'il y a comme quelqu'un? Comme personne connue? Ouais. Franchement, tout le monde a. J'ai eu quasiment tous ceux que je voulais. Tout le monde a joué le jeu. Et imagine en star américaine ou tu vois. En star américaine? Ouais. Je sais pas, Will Smith, il est chaud. Ouais, pourquoi ça, pas. Ça aurait été frais. Fraîcheur. Voilà, Will Smith. Okay. Et je voulais savoir si c'est possible d'avoir une dédicace de Black M. Oui, on va lui faire signer là, des dédicaces et on vous envoie ça à tous ceux qui passent, ok? Ok, merci beaucoup. On t'embrasse, le Gab. Bisous. Black M, tu cartonnes en ce moment avec ton morceau, on n'arrête pas de le dire, Je suis chez moi. Morceau dans lequel d'ailleurs tu fais une déclaration d'amour à la France un peu. On peut dire ça comme ça. Ouais. Eh bien, je ne sais pas si tu es au courant, mais ton titre fonctionne tellement que c'est en train de devenir un titre planétaire. Certains pays ont fait leur propre version. À toi de deviner le pays. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Première version. Lo solo italiano. Nuovo guione, c'est la mia là. Forse non c'è per c'è solo tripo. Vole solo chino le di bala. Facile, tu vois. Rital, les Italiens. Évidemment, pas mal, pas mal. Bravo, oui. Chanteur. Deuxième version, écoute. Ich bin in Irland. Sie wollen jetzt wohl noch Marian sein. Mais je n'ai pas de zone d'acconne. Let me get down in the Fragamen. Mais c'est quel mot? Tout un scène, une Fragamen. À ton avis, hyper dur. Les Allemands. Non. Non. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est hollandais. Hollandais. Enfin, approximatif. Hein. Ouais. Ils ont vraiment une langue vraiment chelou. Hein. Ouais, c'est compliqué à prononcer. Ah, c'est très dur. Hein. Troisième version, tu vas trouver ça. Allez. Ça, c'est Jap, ça. Du Jap. J'adore. Pas mal, pas mal. Chinois. Pas mal. Bien joué. Alors, la dernière, la plus facile, mais ma préférée. Moi aussi. Yaruski. Onikonyat be moye ne yestoy. C'est quoi que c'est cette langue? Mozet by your frode migendoy. Kavot me presto prozi dirala. C'est bon. Allez, russe. Oui, bravo. Non, il y a un truc qui nous fait penser à la Russie, c'est la vodka. La vodka, la vodka. Dès qu'il a dit vodka, c'est ça, c'est bravo Black M. Bon, on a encore de la question pour toi. Il y a Amy à Poitiers. Bonsoir Amy. Salut tout le monde. Salut Black M. Salut, salut. Ça va Amy? Ouais, ça va et vous? Bah au top. Vas-y, fais-toi plaisir. Parle à Black M, il est là pour toi. Dis-moi alors, tout. D'abord, j'ai une question. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Yeah! Alors, donc, ma question, c'est à Black M, c'est quoi le cadeau le plus ouf qu'un membre de ta famille ou tes amis ou tes fans t'aient jamais fait? Ah, bah, mes fans aussi? Ouais. Oui, tout le monde, enfin, le cadeau le plus ouf qu'on t'ait jamais fait? Je reçois tellement de belles choses, tellement de belles choses. Là, tu m'as dit mes amis, à mon anniversaire de mes 30 piges, et ben, ils m'ont fait une surprise. Tout le monde s'est réuni pour moi. C'est mignon. Amis d'enfance, père, papa, maman, tout le monde. Et j'étais très surpris. Ah, ça, c'est beau. Ouais. Tu vois, c'est juste adorable. Ouais, il n'est pas matérialiste. Hein. Ce qui lui fait plaisir, c'est la famille, les amis. Ouais, ouais. Et un cadeau un peu improbable d'une fan ou d'un fan qui t'a marqué? Improbable. J'en ai reçu tellement des improbables aussi. À la sortie du premier album, j'avais reçu dès les premiers jours un disque d'or fabriqué d'une fan. Ah ouais? Ouais, fabriqué, elle m'a dit oui, toi, ton CD est déjà disque d'or. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est frais. Ah ouais, c'est énorme. Elle était voyante en plus. Elle est trop mignonne, Amy. Ouais, elle fait oh génial. Est-ce que t'avais une autre question, ma belle? Amy? T'es là? Amy? Allô, oui, excusez-moi. Oh, tu m'as fait peur. Et du coup, j'avais une autre question. Ah bah vas-y. Est-ce que t'aimes les donuts? Ouais, j'aime bien. Pourquoi? Pourquoi? Quoi cette question? Les donuts. Oui, tu sais les donuts? Oui, bah non, oui, je vois très bien. D'accord. J'aime beaucoup. Pourquoi? Mais oui. Pourquoi? Non, parce que les donuts c'est ma vie. C'est et du coup, bah t'aimes ma vie. Oh, elle est mignonne. Amy, tu es formidable. Hein. Franchement, je pense qu'on peut t'auto-proclamer l'auditrice de la soirée. Oui, complètement. Hein? Terrible. Amy, on t'embrasse. Ah, je vous aime tous hyper fort. Mais nous aussi, Amy, on t'embrasse très fort. Je peux faire une dédicace? Bien sûr, vas-y. Une petite dédicace à mon beau téléphone qui est actuellement en train de risquer sa vie. Mais Amy, t'es sûre que t'as pas pris des drogues? T'as vu ce qui se passe dans ta vie? Clairement. Je prends pas de drogue ni rien. C'est qu'en fait, comme je suis pas censée être en train de téléphoner, je suis censée être en train de dormir. Du coup, j'ai carrément passé la tête par la fenêtre et je suis probablement en train de réveiller tout le quartier. Ah, énorme. Oui, bah, fais attention à toi, Amy. Ouais. Rentre maintenant. Hein? Rentre. Allez, on t'embrasse. On t'embrasse très fort, Amy. Bisous. Bisous. Bisous. Bon, ciao. Vous le savez, Black M vient nous voir pour son album Éternel Insatisfait qui sortira le 28 octobre. Black M, j'ai envie de te dire, mets-toi en position. Ça marche, mais on va faire un truc particulier. Vous allez venir avec moi, on va tous chanter ensemble. Ah bah grave, de toute façon, on était partis pour. Hein. Ah bah oui, on n'allait pas te laisser comme ça. On allait venir. Hein? Black M tout de suite en live sur Fun Radio, le premier extrait de son album qui sortira donc le 28 octobre prochain, c'est Je suis chez moi. Ça tombe bien parce qu'avec l'équipe on est vraiment tout ce qui est danseur, chanteur, on met tout. Allez, là je veux le feu là. Allez, mettez-moi le feu Black M tout de suite en live. Ouais, ok Fun Radio. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. On est là. 1. DJ HQ au platine. Éternel insatisfait, 28 octobre dans les bacs. 1. Ok. Marion Anso, vous êtes prête? De ouf. Ok. 1. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais ma se met fidèle, est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Ah, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je paye mes impôts moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam, Mariam. Un bon mauvais chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe. Je suis français. Tout le monde qui ne saute pas n'est pas français. Ah, tout le monde qui ne saute pas n'est pas français. Ah, tout le monde qui ne saute pas n'est pas français. Ah, tout le monde qui ne saute pas n'est pas français. Ah, tout le monde qui ne saute pas n'est pas français. Parce qu'il m'a trop français. Qui ne saute pas n'est pas français. Ah, tout le monde qui ne saute pas n'est pas français. Chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop bronzé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Stop. C'est-à-dire que je ne fais pas de sport. C'est-à-dire que ça s'entend. Ah bravo Black M. C'était bon les gars. On s'est éclaté, on a dansé, on a chanté. Vous avez improvisé une belle choré. Ouais, ouais, c'était pas dégueulasse. Mal, hein. Alors c'est con parce que j'avais plein de trucs à dire. En fait j'en peux plus quoi. C'était énorme. Attends, bravo. On a des questions pour toi. Il y a Hugo de Bar-le-Duc avec nous. Bonsoir Hugo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. La jaja. Vas-y poteau. Ça va Black M? Ça va très bien et toi? Ah, ça va. Il va bien, les sourcils d'Amir et Pépère? Oui, ouais, ils sont là. Bah on est là, tu sais, on se voit bien. Ils sont là, très bien. Alors, je voudrais savoir comment t'as pris la nouvelle lorsque l'UNICEF t'a proposé de reprendre Sur ma route avec Kids United? Ah, bah j'ai kiffé. J'ai kiffé, hein, c'est un honneur. Ah, et ouais, c'est le groupe de petits là qui font des reprises. Ouais, ouais, ouais, ouais. On l'a le titre? Mais, ouais, méga sûr. En plus, ils chantent archi bien. Ouais, de ouf. C'est hyper impressionnant. Il chante archi bien. Ouais, du coup, t'as dit oui tout de suite. Ouais, bah oui, directement, oui. Voilà, photo. C'était un plaisir, plaisir, j'ai kiffé. Ouais, j'en avais juste une deuxième, c'est pourquoi t'as choisi ce titre pour l'album? Pour l'album l'UNICEF, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Bah, non, je suis chez moi. Je suis chez moi. Ah, pourquoi j'ai choisi le titre Je suis chez moi ou Éternel insatisfait pour l'album? Pour l'album en général. En gros, bah, pourquoi t'as choisi de présenter ce titre en premier? Ah d'accord, bah parce que j'y vais souvent au feeling dans mes choix et c'est un ressenti, c'était un moment où j'avais envie de passer un message comme ça, donc je l'ai lancé, tout d'accord. Simplement. Voilà Hugo, d'accord. Et un petit autographe. Oui, tu vas un autographe, mais je trouve que la question 2 était pas mal aussi, pourquoi Éternel insatisfait? C'est le sentiment d'en vouloir toujours plus. D'accord. Voilà, je veux me surpasser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Tout le temps, non-stop. Voilà, ouais. Poto. Bah, je vous remercie, bisous à tous. On t'en remercie, Hugo. Bisous, bisous le beurre, ciao ciao. Bon Black M, il est temps d'en apprendre un petit peu plus sur toi. On va s'intéresser à ce que tu aimes et à tes habitudes au quotidien. Ok. Attention, jeu de mots, hein, parce que nous on est un peu comme ça, on est jeu un de peu mots. Des déglingos. Est-ce jeu que Black M... Oh là là, tu vois, ouais, c'est des bon. Auteurs, hein. Les gars, on a bossé quoi. Alors, non. Est-ce que Black M Secret Story? Je regardais l'année dernière, cette année je regarde pas. Ouais, donc t'es pas contre quoi. Non, je suis pas contre, mais... Ok. Est-ce que Black M jouait à Pokémon Go? J'ai téléchargé l'application quand elle est sortie et... T'as arrêté? J'ai arrêté, ouais. Mais j'ai l'impression que ça va commencer à passer de mode un peu, non? Ouais, je l'ai téléchargé pour voir aussi comment ça va. J'ai téléchargé, ouais, pour voir comment c'est tout ça. Oh, t'as pas le temps aussi. Je vois pas Black M dans la rue chercher du Pokémon, quoi. Il y a quelque chose à foutre. C'est tellement frais, quoi. Est-ce que Black M prendre les transports en commun? Je peux plus. Ouais, bah non. Ah, c'est compliqué, là. Je peux plus, ouais, c'est compliqué. Et puis, globalement, cette question est complètement con. J'essaye de temps en temps. Parfois, je me fais un petit kiff. Je rentre dans le métro comme ça, mais ça dure 5 minutes. Ah ouais, c'est ouf, les gens, ils se reconnaissent direct. Non, okay. C'est mort. Est-ce que Black M faire la cuisine? Je sais pas cuisiner. Ah, c'est vrai, mais t'es même pas un truc, un œuf. Un œuf, toi aussi, arrête. Bah oui. Tu sais pas faire un œuf. On parle de cuisine là. Tu le prends pour qui? Elle a dit même pas un œuf. Elle m'a pas respecté. Non, mais je sais pas, en termes de cuisine, je sais pas ce que t'appelles la cuisine. Non, mais c'est que faire la cuisine, c'est faire des vrais plats. Non, ouais, il sait pas. Sinon, je sais faire des pâtes. Je sais faire des pâtes, du riz, un œuf. Voilà, bah c'est l'essentiel, un poulet et hop, c'est fini. Est-ce que Black M être la star des cours de récréation dans les bahuts? Dans les Belges? Dans les bahuts. Dans les bahuts, ouais, pourquoi? Ouais, bien sûr. Ah ouais, cool. Est-ce que Black M être aussi écouté par les parents? Bien sûr. Jamais être écouté de tout le monde. Est-ce que Black M écouter du Justin Bieber? Grave. Est-ce que Black M Marion Maréchal Le Pen? Bon, bah, je pense. Voilà. Joker. Bon, on a encore de la question. Il y a Aubeline. Aubeline ou Ombeline à Angers? Ombeline. Ombeline. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Salut tout le monde, salut Black M. Salut, salut. Alors vas-y ma belle, t'avais une question. Oui, je voulais savoir quel était ton plus beau souvenir de tournée. Oula. Waouh, j'en ai plein. Je vais t'en citer un, celui qui me revient souvent. La première fois qu'on a fait Bercy avec toute la section d'assaut. Ok. Ah ouais. Voilà. C'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps, mais c'était impressionnant, ça me reste en tête. D'accord. Voilà chérie. D'accord, et je voulais savoir si je pouvais te rencontrer mardi à Tours. Oula, tu vas le voir, il sera quand mardi à Tours? Je savais même pas acheter à Tours. Bah, c'est toujours compliqué ça, mais on va voir avec les attachés de presse hors antenne, d'accord Bichette? Ok, ça marche. On t'embrasse ma belle. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. On a Philippe aussi qui est à Mâcon, bonsoir Philippe. Bonsoir les filles, bonsoir Black M. Bonsoir, bonsoir. Philippe, toi t'as 40 ans, c'est ça? C'est ça, j'ai 40 ans, ouais. Okay. D'accord, et qu'est-ce que tu veux savoir? Bah en fait, moi justement, le plus de mon âge, j'aimerais savoir si Black M aurait quelques conseils, parce que j'aimerais me lancer dans le rap. Lourd. Ah, c'est bien. C'est vrai, c'est pas trop tard. C'est vrai ou pas? Ouais, franchement, ouais. Bah, il est pas trop tard, hein. Le rap, c'est tout âge. Alors, est-ce qu'on peut avoir une démo peut-être pour que tu puisses juger? Je sais pas. Ouais, hein. Bah justement, j'avais préparé un petit truc, alors c'est vraiment vite fait, hein. J'ai griffonné ça sur un petit bout de papier, voilà, j'avais donné des conseils de Black M, savoir un petit peu ce qu'il en pense. D'accord. Eh bah, il t'écoute. Vas-y. Allez, je me lance. J'ai tellement de flow que t'es obligé de me follow. Je suis l'hashtag et toi le dièse. Mon blaze à moi, c'est pas Thérèse. Tout le monde sait que je suis le plus balèze. Yo. Ouais. Ah, ah c'est encore, tout. Encore. D'accord. Encore. Hein, ouais, encore. Je suis pris de court là. Bah, ah, t'es pris de court. Impro, improvise. Improvise, ouais, vas-y. Ouais, improvise. En plus, il fait des rimes en haut. On est sur Fun Radio. Vas-y, continue. Alors, on est sur Fun Radio. Le ciel est beau. Mon nom à moi, c'est pas du pipeau. C'est de l'impro, rigolez pas, c'est de l'impro, laissez tomber, il est trop fort, ah ouais, mais applaudissements. Ouais, c'est quoi en plus? C'est vite fait quoi. Ouais, mais... Non, c'est pas facile, je suis un peu ému en plus. Mais est-ce qu'il faut avoir des contacts? Enfin, genre, est-ce qu'il faut connaître des gens ou est-ce que n'importe qui peut réussir à s'encer peut-être via YouTube ou je sais pas. YouTube. Non, mais là, tu me parles de deux trucs différents, de percer dans la musique ou de faire du rap. Bah, et... faire du rap et percer. Les deux en même temps, ok. Faut croire en ce que tu fais, tout simplement. Bon après, on va être honnête, 40 piges, voilà, il a pas une expérience de ouf, c'est peut-être un peu tard quand même, il peut le faire pour le plaisir, mais je pense pas qu'il va percer. Il y a beaucoup de rappeurs américains qui ont percé très tard. D'accord, donc toi t'es confiant. Donc ouais. Philippe va aux États-Unis. Non mais Philippe peut-être bosse des textes et tout et fais-toi bah tu te filmes, tu postes ça sur YouTube, t'essaies de rencontrer des gens et puis voilà, tu vas progresser quoi. Bah voilà, j'espère un jour rencontrer Black M, puis rencontrer des gens du milieu qui pourront m'aider vraiment voilà, peut-être que un ou deux d'entre eux pourraient peut-être me glisser 2-3 textes, que je puisse m'entraîner devant de chez moi, devant ma caméra. Bon courage mon pote. Eh ben on sera là, bon si courage. Tu veux passer dans cette émission, on sera là, d'accord? Ah, c'est super cool, cool, merci beaucoup. T'es le bienvenu, Philippe, on t'embrasse très fort. C'est gentil, bonne soirée à tous, merci encore Black Bisous. M. Bisous. Bon, mon Black M, on va te remercier très fort d'être venu. Est-ce que, éventuellement, tu as un dernier mot pour tous ceux qui t'écoutent et qui ont kiffé cette soirée-là avec toi? Bah, merci à tous les auditeurs de Fun Radio, merci pour le soutien, merci pour l'invitation et à très bientôt j'espère. Avec plaisir, on sera là pour la sortie de l'album, ce sera le 28 octobre, Éternel Insatisfait. Je vous rappelle que le clip est sorti de Je suis chez moi. Plus de 4 millions de vues, c'est juste une tuerie, il est vraiment beau ce clip. Et puis bah, si vous voulez croiser Black M, il va faire la tournée des MJC là. C'est quoi là? C'est la maison des jeunes de la culture. Jeunesse et de la culture. En gros, tu vas rencontrer les jeunes quoi. Ouais, je vais à la rencontre des jeunes. Et bah c'est top, on vous met toutes les dates sur les réseaux sociaux là, Marion et Anso. Et puis bah toi tu reviens quand tu veux dans cette émission. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci Black M, on t'applaudit quand même. Bravo. Merci tout le monde. Et on remercie aussi DJ HQ qui est venu avec toi. C'était cool aussi que vous soyez tous là en tout cas ce soir. Merci HQ. DJ. Merci beaucoup. Restez avec nous, on est ensemble en direct jusqu'à minuit. Donc vous nous appelez, on continue de faire de la radio ensemble et on se marre, on se prend pas la tête, on est juste une bande de potes. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Jonas Blue sur Fun Radio. You wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe we'll stay together. Maybe we'll. Jonas Blue sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show qui continue sans Black M. Mais là, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos dès ce soir ou dès demain matin sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Franchement, c'était énorme. On a kiffé. On a du live de talent, de studio Daniel, de Levana, du sosie de Black M. C'était vraiment ouf. On a du jeu. Bah franchement, on s'est marié avec Black M. Ouais, franchement, moi j'ai passé un bon moment, puis surtout on a dansé, vous allez voir toutes les vidéos, vous comprendrez pourquoi j'ai horriblement chaud à cet instant précis. Bah, t'inquiète, ils ont vu puisqu'on était en Facebook Live hein, pendant qu'on dansait, hein. Très gênant. Eh bah, c'est bien, ça va bien mettre en valeur cette histoire. Bon, on fait de la radio ensemble, il y a Fabrice qui nous a appelé de Vannes et Fabrice a besoin de nous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Salut. Comment ça va, le Fabrice ou? Bah ça va et vous? Bah oui. Bah oh, très bien. Super bien. Tu nous appelles d'où toi? Je vous appelle de Vannes. En Bretagne. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'amène chez nous? Alors, qu'est-ce qui m'amène chez vous? C'est que j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, mon premier rendez-vous avec une fille. Mm-hmm. Enfin, c'était notre première rencontre. Et donc, il fallait que je réserve le restaurant. Alors, je me suis dit, il faut réserver un beau restaurant, pas trop chic non plus pour ne pas être trop mal à l'aise. Donc j'ai fait les choses bien, on s'est retrouvé dans ce restaurant-là, on a commandé nos repas, j'ai commandé une boisson, un coca. Ouais. Et puis arrive le moment où c'est le milieu du repas, on se passe bien, on discute bien, des regards échangés, on mange nos burgers. Enfin, c'était cool. Juste au moment où un roux est sorti, un roux bien bruyant et en plein milieu du repas. C'est oui, alors je vois tout à fait ce genre d'euro, tu sais, le truc qui sort, mais tu peux pas le contrôler. C'est-à-dire que c'est vraiment pas. C'est un son envoyé, hein, c'est pas quelqu'un qui a roté. Mais alors ça veut dire que t'es avec ta nana, enfin celle que tu aimerais serrer. Ouais. Premier rendez-vous, et là tu lui rotes dessus, quoi, limite. Hein. Ouais, bah c'est ça, mais presque. Ouais, bah c'est sorti, c'est pas contrôlé, c'est parti tout seul et un moment très mal à l'aise. Elle a dit quoi, la nana? Ah bah, elle a rien dit, elle m'a juste regardé, un blocage. Et après, elle a remis son regard sur son burger et comme si de rien n'était, mais bon, sentait une grosse gêne parce que avant de reprendre la conversation. Mais alors, la question qu'on se pose, est-ce que t'as réussi à la pécho malgré tout ou pas? Franchement. Ouais. À la fin, on s'est fait la bise. Ah merde. Et j'espère qu'on va se revoir parce que je suis resté en contact avec elle. Effectivement, ça reste quelque chose d'assez gênant, mais c'est pas de ta faute. C'est-à-dire que. Ouais, c'est dégoûtant. Mais elle doit bien se douter qu'au premier rendez-vous, un mec ne va pas se mettre à roter de manière volontaire. Oui, mais ça te dégoûte, même si. Ah oui. Tu vois, et du coup, tu vois le mec différemment, tu te dis. Ah ouais, mais après, Marion, il n'y a rien qui dit qu'elle l'aurait embrassé s'il n'avait pas roté, par exemple. Hein. Bon, il faut que tu forces un peu. Je doute parce que je sais pas maintenant si je peux faire quelque chose après derrière avec elle ou si on doit parler de ce moment-là j'ai dit pardon mais on en a pas reparlé quoi. Tu sais Bichon dans ces cas-là, il faut toujours désamorcer avec de l'humour. Tu dis oh là là, mais même t'en joues quoi, mais premier rendez-vous. Ouais, mais dis premier rendez-vous, je sors ça mais c'est nul et tout, j'aurais pas pu faire pire et tout vraiment parce que sinon ça fait une sorte de tabou et c'est pire. Marion a totalement raison. Il aurait fallu que tu dises je suis désolée, t'aurais dû désamorcer. C'est l'émotion. Ouais, c'est l'émotion. Par contre, si à chaque fois qu'il est ému, il retourne, c'est quand même un peu relou. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais après? Parce que je veux pas revenir en arrière, là, je suis bloquée. Je sais pas comment lui revenir dessus et rigoler. Ouais, je vais te dire un truc. Tu peux lui faire un SMS en lui disant est-ce que tu serais d'accord pour un deuxième rendez-vous, cette fois-ci, sans, tu vois, trouver une petite note d'humour, tu vois. Je te promets que cette fois-ci. Ouais, mais déjà le mot ro écrit, c'est pas possible. Pas ce mot-là. Mais en gros, il faut que tu trouves un truc qui la fasse rire. Je vais réfléchir là. Je vais trouver un petit SMS que tu peux lui envoyer. Parce que par SMS, en plus, on n'entend pas l'intonation. Donc j'ai peur de dire des bêtises. Ouais, mais est-ce qu'au téléphone, tu te sens de parler de ça? Non plus. Donc je suis dans une situation délicate. Mais je vous fais confiance, c'est gentil. Bon, on va demander déjà aux auditeurs s'ils ont des conseils pour toi et surtout s'ils ont, eu des looses pendant un premier rendez-vous. Si vous avez déconné sur un truc, qu'il vous est arrivé un truc, vous êtes tombé, je sais pas, n'importe. Appelez-nous 01 42 48 5000. Moi, justement, je suis tombée. Un de mes premiers rendez-vous, je suis allée aux toilettes et notre table était juste avant des escaliers, tu sais, qui descendent aux toilettes. Et en remontant, je faisais ma belle et j'ai raté la marche. Donc, je me suis étalée, mais vraiment absolument devant tout le monde, au pied de notre table, quoi. Et il a dit quoi, le mec? Rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a tenté de pas rire, puis il est parti dans un fou rire énorme. Moi, j'étais tellement rouge que j'ai eu chaud, donc la frange a commencé à coller. Ça, c'était un fiasco de bout en bout. Ça, c'est attendrissant pour un mec, je pense. Tu crois? Ouais. Non, c'est pas classe. Hein. C'est pas classe, mais bon, c'est pas comme si t'avais lâché un rot. Tu vois ce que je veux dire? Là, il se dit, oh la pauvre, c'est trop mignon. Ouais, t'as envie de la prendre dans tes bras et tout. Mais je l'ai pécho après. Tu vois. Moi, j'avais fait. Alors, j'ai jamais loosé de ouf pour un premier rendez-vous. Par contre, il y a un truc que je me fais souvent avoir. Je me rends pas compte quand tu bois du vin rouge, à consommer avec modération évidemment. Eh bien, la couleur rouge reste sur les dents, sur la langue partout. Et donc, tu vois, tu te rends pas compte, tu vas pas forcément aux toilettes pour te refaire une beauté et tout. Et là, je me rendais pas compte, j'avais les lèvres mais bleues rouges, c'était dégueulasse. Ouais. Et le mec osait rien me dire. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin du repas. Oui, mais à la fois, si normalement tu dînes avec lui, je pense que pour lui c'était pareil. Non, parce qu'il y a des gens qui ne tâchent pas. Ah ouais. Et toi, tu tâches à mort. Ah, moi, je tâche des dents. C'est vrai, hein, le vin rouge, c'est traître. Il faut jamais boire ça en premier rendez-vous. Ouais, c'est déconseillé de boire aussi d'ailleurs au premier rendez-vous pour être détendu. Hein. Ça vire souvent au fiasco. Hein. Oui, c'est vrai. Mais faites attention. Moi, une fois, j'avais fait un premier rendez-vous avec une meuf. Et je suis pas un mec qui boit de l'alcool à la base. Mais j'avais bu un mojito et puis j'en avais bu un deuxième, à consommer avec modération évidemment. Sauf que je suis un mec qui ne tient absolument pas à l'alcool. Oui, je sais. Et au bout du deuxième mojito, j'étais HS. Et je commençais à raconter que de la merde. Oui. Et puis après, je l'ai chopé quoi. Ah, tu l'as pécho quand même. Ah, bah quand même. Ouais. Par contre, donc, si tu ne tenais pas, tu devais pas être hyper performant. Non. Et c'est pas toi, Amir, qui avait fait le coup à une meuf aussi d'oublier ta CB au premier rendez-vous? Ouais. Non, mais ça, la technique du crevard, quoi. Alors, En fait, j'avais plus de thunes sur mon compte. Ah non, c'est nul. Et en fait, j'ai dit que c'était ma banque qui avait. J'avais tellement dépensé pour faire le mec. Ouais. J'avais tellement dépensé que j'ai dépassé mon plafond. Ouais. Tu sais, on a tous un plafond dans les cartes. Dans les banques. Je t'explique à quel point moi je le connais par cœur, mon plafond. Ouais. Alors, je suis désolée, mais je préfère encore un mec qui rote qu'un mec qui me sort ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a même pas prévu le coup de, je sais pas, moi, demander de l'argent à un pote ou à la famille pour le premier rendez-vous. Après, je dis pas, mais le premier rendez-vous, je sais pas, tu fais pas le coup de la carte bleue. Ouais, mais. C'était j'étais hyper jeune et en plus j'avais eu un, je crois que c'était mon abonnement SFR à l'époque, c'était 20 balles et il me restait peut-être 25 et il me restait 5 euros pour le repas, ils ont eu pour 30, donc ça passait pas. D'accord. Bah disons que ça devait être un grand resto pour un 30 à 2. C'était au McDo. Thibaut, elle aurait une loose pour un premier rendez-vous ou pas? Bah moi c'est la fille avec qui j'étais en date, genre elle avait un espèce de gros bout de salade entre les dents. Oh tu non vois. Bon, en même temps ça va, t'es dur, il suffisait de lui dire, ça peut arriver à tout le monde, genre de truc, t'es chier. Ouais, bah j'aurais pu lui dire, mais franchement tu peux pas le dire au premier rendez-vous. Non, c'est dur. C'est dur de regarder la meuf et de lui dire écoute, t'as un bout de salade dans les dents. Ouais. En même temps, l'avantage, toi, Marion, c'est que ça peut pas t'arriver, toi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, avec mon boulevard entre les deux dents, ça ne peut planter pas m'arriver. Les doses, quoi. De ouf. Ouais, mais ça, c'est dur. Non, les c'est pauvres. Pas facile. C'est pas facile. Ou c'est comme un mec qui se mouche. Enfin, de toute façon, il y a pas mal de réactions là au standard. On va en prendre. Il y a Pierre de Lyon, mais des gens qui se mouchent, tu sais, et qui se mouchent mal et qui ont encore une crotte de nez, c'est horrible. Oh, okay, ça vous le dites ou pas? Mais non. C'est encore pire qu'un bout de salade ou pire qu'un rouge, je trouve. Et après, on ne regarde que ça. Ouais. Ouais. Ouais. Et ça te dégoûte, hein, c'est-à-dire que tu n'embrasses pas le mec, quoi. Ah bah non. Pierre à Lyon, ça va? Allô? Le 6-9. Salut Marion, salut Anto. Salut Pierre. Alors, Pierre. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Ouais! Dis-nous, Pierre, est-ce que tu as loosé lors d'un premier rendez-vous ou pas, toi? Bah ouais, carrément, en fait. Le truc, c'est. En fait, j'avais mis du. Je sais pas si vous connaissez, c'est la crème bébé, c'est comme du fond de teint, un peu. Mm-hmm. Ah oui, on connaît. J'avais mis ça, en fait, et. Bah, en fait, quand j'ai dit bonjour à la fille, tout ça, machin. On s'est fait une petite embrassade, quoi, sauf que j'en ai mis partout sur son col, quoi. Ouais, c'est chaud, ça. Et bah, du coup, j'étais obligé de lui dire parce qu'elle a cramé, donc je lui ai dit, bah voilà, je mets un peu de fond de teint, voilà, histoire de me faire beau, quoi. Elle dit, ouais, mais non, les mecs qui se maquillent, moi j'en veux pas, donc du coup, c'est un peu la loose, quoi. Ouais, elle est dure, ouais. Après, il y a fond de teint et fond de teint, forcément, si tu mets une bébé crème ultra foncée alors que t'es blanc, Non, ça allait, quoi, ça va, c'était correct, mais. Ouais. Non, ça lui a pas plu, non, ça lui plaisait pas. Je la trouve un peu dure parce que franchement, en plus, t'avais fait un effort pour lui plaire, c'était pas une vraie loose. Après, bon, c'est relou, t'as taché sa chemise, mais on s'en fout, quoi. Ouais. Ouais, puis bon, je suis pas trop moche, quoi, en plus, à la base. Bah voilà. Et bah, oublie le fond de teint maintenant, mon pote, vas-y, naturel. On t'embrasse. Ouais, vas-y, je vais foncer. Merci à vous, les filles. Bisous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bisous. On a Thomas aussi. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Ça va, Thomas? Ça va bien, vous? Bah ouais, impec, t'appelles d'où, toi? Moi, je suis en Bretagne. Bretagne, d'accord. Et dis-nous, est-ce que tu as loosé lors d'un rendez-vous? Moi, ma loose, c'est pas vraiment moi. En fait, c'est ma copine parce qu'elle pète au lit. Oh merde! Attends. Oh, mais c'est pas du tout un premier rendez-vous. Bah non. Comment? Mais c'est pas un premier rendez-vous. Ça sert qu'elle... Ou alors, elle a pété la première fois que tu as dormi avec elle. Oui. Mais non. Excuse-moi, Marion, mais le mot pété dans ta bouche, ça me fait tellement rire. Mais comment tu veux que j'appelle ça? Flatulé. Alors, ça veut dire que tu la pécho, le soir même, tu la ramènes chez toi. Exactement. Et elle flatule. Voilà. Mais c'est pas possible. Et la meuf, comment elle réagit? Elle désamorce? Elle dit un truc? Bah écoute, moi quand elle l'a fait, je dormais pas encore. Ouais. Elle flatule. Ah oui, mais bon, j'ai pas le droit de dire péter. Faut savoir. Et donc, comment t'as réagi? Bah j'ai réagi bizarrement, quoi. Bah ouais, t'as rien dit, t'as rien osé dire. Bah non, justement, j'ose rien dire. Enfin, alors, attends, si même encore permettre... maintenant, tu vois, on est encore ensemble. Ah bah ça va. On est encore ensemble, Thomas... ça fait un an qu'on est ensemble, sauf que... Thomas, je sais pas, je... Oui, c'est Thomas ça. Si je puis me permettre, ça dépend de la flatulence. Parce que si c'est genre une flatulence de nuit, dans le sommeil, où du coup, bon bah, elle dort, et puis pauvre femme, bon bah, elle se lâche, quoi, hein, alors, elle se libère. Ou alors... Thomas, on a plusieurs flatulences, tu vas nous dire ça ressemble à quoi, d'accord? Ok. C'est le blind test pay. Allez, c'est parti, on y va, premier. Deuxième. Ok, ah ça c'est le petit, plus féminin celui-là. Troisième. Voilà. Oh, c'est très magique. Alors qu'est-ce que t'en penses? Premier, deuxième ou troisième? Deuxième. Au premier. Troisième. Ah, le P magique. Troisième. Oh non, c'est non dégueulasse. Attends, mais elle était malade, ta copine. Non, c'est impossible, mon pote. Et ça te dérange pas? C'est pas un tue-l'amour pour toi? Un Thomas. Bah au début ça m'a fait au début ça m'a fait un peu chier. Et maintenant tu t'es habitué. Elle doit dire. Elle est en fou rire l'autre. Arrête la pauvre, c'est pas de sa faute, elle le fait quand elle dort. Moi j'en suis toujours à elle. Elle s'appelle Guylaine Boisson. Et quoi? Elle s'appelle quoi? Mais Thomas, t'es avec nous ou t'es non, avec qui? Pas, non, je vais pas dire son nom, mais. Bon, bah dis pas son nom, bichon. Bah oui. Non. Écoute, en tout cas, t'es un mec bien. Si tu restes avec elle malgré tout ça, franchement, t'es un mec amoureux et c'est bien. Ouais, non, mais pourquoi ça veut dire? C'est pas toutes les nuits, quoi. Oui. Bah oui, j'imagine, parce que sinon, faut l'emmener. Sinon, ce serait un peu plus chiant, quoi. Ouais. Merci de nous avoir appelé, mon pote. On t'embrasse. Merci à vous. Bisous à toi, Thomas. Bisous. Ciao. C'est assez magnifique, quand même, hein. Ouais. Elle dort. Elle flatule, c'est génial, quoi. Bon, Fabrice, tu vois que finalement, il y a pas mal de gens qui sont un petit peu dans ton cas, quoi, qui ont vécu des trucs un peu difficiles. Ah ouais, poteau. Mais en fait, voilà, moi, je te dis, il faut toujours désamorcer, rigoler tout ça. Vraiment, c'est le plus important. D'accord? Mais tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc parce que j'ai envie de tester cette équipe. Ah, allons-y. Là, j'ai préparé le nom de chaque membre de l'équipe. Je vais les mélanger dans un petit sac, ok? Je vais en tirer deux. Ouais. Les deux qui vont être tirés devront simuler un premier rendez-vous sans loose pour voir ce que ça donne. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Avec qui? Ben, je les tire au sort. On alors, tire au sort ça peut être deux mecs. Oui. Bah, ou deux meufs, ou vu un mec. Il y a neuf mecs dans cette équipe, c'est cool. Premier nom, c'est Thibaut Alaria. Ah, Thibaut. J'adore les premiers rendez-vous, moi. Tu vas devoir. Et Thibaut, il est tellement romantique. Faire un premier rendez-vous avec Amir des réseaux sociaux. Je vous promets, c'est vrai. J'ai Amir, les gars, c'est pas truqué. Amir et Thibaut, j'ai les deux papiers, je les montre à l'équipe. Ouais, mais. Quoi fait. Ah non, mais vous faites un premier rendez-vous, vous simulez, je veux un petit bête, une ambiance. Tu nous mets une ambiance romantique, Thibaut. Montrez comment vous y prenez. Allez-y. Allez, c'est parti. En premier dog, hein, vraiment dans la vie. Allez. Ok. Vas-y, je t'en prie, tu vois. Attendez, vous êtes où? Vous êtes au resto? Vous êtes au resto? Oui. Ouais. Resto? Ok. Salut, comment alors, tu vas? Juste, on s'est rencontrés où? Du coup, genre de sur Tinder, Tinder. Première fois qu'on se voit, première. Allez, okay. Vas-y. Allez, les gars, parce que là, on n'a pas le temps des répètes. Hein. Salut, Thibaut. Salut, Amir. C'est marrant, t'es vraiment comme sur les photos, c'est. Ah ouais. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi, je m'imaginais un tout petit peu plus grand, mais tu sais quoi, finalement, je suis content parce que les mecs un peu plus menus, bah, ouais. J'adore ça. Ah, non. C'est cool. Ah, oh, c'est horrible. Ça me gêne. Oh, c'est chiant, mais ça me fait plaisir, mais en même temps, je rougis, mais ça me fait vraiment plaisir de te voir. Je pensais pas que t'allais venir ce soir. Il rougit vraiment, Amir. Bah, ouais, non, je suis venu, tu sais, ça fait plusieurs semaines, bah, on se parle. Ouais, c'est vrai. Je pense à toi. Ouais. Je m'imagine mon futur avec toi. Oh. Ah, mais c'est rapide. Ouais, je sais, mais je suis quelqu'un comme ça, tu vois, j'ai un cœur. Peut-être un cœur en mousse. T'as lâché un petit roux là-bas. Ouais, je suis désolé, je me sens un peu pas et bien. Et t'es plutôt du genre, donc toi c'est le grand amour quoi, c'est pas plan cul tout ça. Bah, ouf, pardon. Ça dépend du mec, tu vois, genre. Un mec comme moi. Pour toi c'est tout. L'amour, le sexe, la relation, la vie, tout ça, le chien. Et si on arrêtait d'être au resto et on bougeait directement chez moi? Alors. Mais ça te dérange pas que le gars te rote et te pète au nez quoi? Ouais. Ah bah moi pas du tout. Non, ça va. Est-ce que je peux émettre une petite objection? Ouais. Attendez, c'était quand même mon premier rendez-vous homosexuel là. Ouais, mais alors je trouve les gars, vous y prenez hyper mal, y a pas d'humour déjà. Ouais. Et Thibaut, toi t'es beaucoup trop rentre dedans, on dit pas, je vois mon futur avec toi au bout de deux secondes. Eh, c'est pas facile, c'est mec et mec, on a pas l'habitude. Ouais. Mais alors, tu crois qu'ils font comment? Ils font exactement comme mec et meuf, hein. Bah oui. Ils se disent pas tout de suite, j'ai envie de toi pour la vie avec un chien. Excuse-moi, j'aimerais émettre un doute. Je trouve que dans la communauté homosexuelle, ils sont beaucoup plus rentre dedans, ils perdent moins de temps. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Non, quand c'est des plans cul, oui, mais pas quand c'est des histoires d'amour. Sur Tinder et tout. Bah, crois-moi que dans ma vie à moi, sur Tinder, on perd pas beaucoup de temps non plus. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Non, mais là, t'as vous un compte premium, toi. Vous étiez un peu genre trop mielleux, trop dans la guimauve, quoi. Mais, en premier rendez-vous, faut que ce soit léger. Mais Marion, quelle audace. Si on a envie d'être comme ça, on peut. Ouais, mais je sais pas. Tu vois, Enzo du Standard. Oui, bon. Toi, un premier rendez-vous, t'es comment? T'es plutôt du genre drôle machin, t'es pas en romantique style? Non, moi je suis une gaulerie sans nom. Quoi. Vas-y. Ok, deuxième, Marion, Enzo. Ok, essaie de me draguer, bichon. On est au restaurant, c'est notre premier rendez-vous. Coucou toi. Salut, ça va? Ouais, super. Bah, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah écoute, je suis hyper contente d'être avec toi ce soir. Pareil. Je te trouve séduisant. Enzo, on a dit drôle, pas beauf. Hein. Ah ouais, non, mais. Qu'est-ce que tu racontes de beau alors? Mais c'est un accent justement pour faire genre le mec drôle. D'accord. Dis-moi, t'as quel âge? Bah, j'ai 28 ans. Ah, d'accord. T'as envie de prendre des années avec moi? Merde. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, je sais pas, c'est un peu tôt pour le dire, mais qu'est-ce que tu proposes? Bah moi voilà, je te propose qu'on aille faire un tour du monde, on va boire du kir, tu vois. Du kir. Ouais, du kir avec okay. des groseilles. D'accord. OK. Voilà, je pense qu'on peut bien s'entendre tous les deux. OK, est-ce que t'as une petite passion, un truc qui pourrait me faire vibrer? Moi, je pense que je suis passionné de quelque chose, mais en fait, je l'ai pas encore découvert et je pense que cette passion c'est toi. Oh là là. Les gars, c'est pas mal, tu vois, Fabrice, hein, ma passion c'est toi, c'est pas mal. Mais tout en impro, le gars. Ouais, ouais, ouais, non, c'était écrit. Ouais. Hein. Franchement, au top. Hein. Mais franchement, Fabrice, désamorce l'histoire du Raw. Ouais. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Et si t'as envie de la revoir, cette fille, bats-toi, mon champion. Ouais, bah, je vais lui envoyer un petit message. Essayer d'être assez marrant. Ouais, voilà. Essaye. Et si jamais t'as un doute, tu nous rappelles, on te le valide, ok? Ouais. Ok, ça marche. Ça, c'est pas bête. Fabrice, bon, on t'embrasse. Merci de nous avoir appelé. Aussi. Merci à vous, les filles. Bisous merci. À toi. Bisous. Ciao. Salut. Enzo, il est bon en impro quand même. Hein. Il est pas mal, ouais. Ouais. Il est pas mal. Bon, restez avec nous. C'était facile. Jaloux. C'était avec une meuf. Et alors? Alors, Amir, essaie de faire Renzo. Si, t'as 30 secondes. Allez, vas-y. Allez, c'est reparti. Salut, toi. Bonsoir, Amir. Comment tu vas? Très bien. J'aimerais te dire un petit truc. Vas-y. Est-ce que tu peux lever ta frange? Pourquoi? Je sais pas, ton front me fait briller. Oh là là, c'est nul. D'accord. Voilà, bon, il est pas fait pour ça. Hein. Bah non, puis moi, de toute façon, je suis tellement bon public. Oui. Allez, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. Déjà, on va parler cul. Et puis, il y a le Pokélost qui va débarquer à ce moment où vous piégez papa ou maman, vous leur faites croire que vous êtes perdu en jouant à Pokémon Go. Venez avec nous, 01 42 48 5000. On est encore en direct jusqu'à minuit. Et pour le son, il est bon, lui, tête de beurre, Kungs. I'm gonna rock your back, take it left foot. Gonna rock your back, don't stand no. I'm gonna rock your back, take it left foot. Gonna rock your back, don't stand no. En direct jusqu'à minuit. J'ai envie de faire une interro surprise. Tiens, Thibaut, si tu devais résumer l'émission Marion et Anne Soul Night Show en un mot, tu dirais quoi? Bonheur. Oh, Yannick au standard. Extraordinaire. Pépère, il va nous pouvoir nous résumer ça? Ouais, des petites chattes. Marion Babel. Je dirais bonasse, bombasse, tout ce qui finit en as, quoi. Connasse. Le Poké Lost. Sur Fun Radio. Allez mater les vidéos du Pokélost sur notre chaîne YouTube. On vous a mis les meilleurs avec notamment le papa du Nord qui s'énerve, c'est archi drôle. Marion et Anso, la chaîne YouTube. Il était ronchonchon lui. Hein. Il était pas bien. C'est Simon qui joue avec nous et Simon. Mais Simon nous fait voyager. Simon n'habite pas en France. Ah bon? Ah oui, alors je vais vous faire deviner où il habite. Dis-moi. C'est un tout petit pays. La Suisse. Non. La Belgique. Non, mais tu peux me laisser du temps. Vas-y. La relou. C'est un tout petit pays qui est pas très loin de la Belgique. Le Portugal. Ah, le Luxembourg. Le Luxembourg. Jeannine Doué en Europe. Bonsoir Simon au Luxembourg. Bonsoir Marion, bonsoir Anto. Comment ça va Simon? Ça va. Alors comment ça se fait que t'habites là-bas toi? J'habite pas là-bas, je suis en stage. Ah d'accord, mais... et du coup tu peux nous écouter depuis l'appli, c'est ça? Ouais. Partout d'accord. Dans le monde. Heureusement. Et parfait. Du coup, mais qu'est-ce que tu fais comme stage? Un stage en hôtellerie. Ah bah bien sûr, on va tous au Luxembourg quand on a un stage en hôtellerie à faire. Et du coup t'as quel âge? 17 ans. D'accord, et tu veux piéger qui ce soir? Ma mère. Mais et ta maman, elle n'est pas au Luxembourg, on est d'accord? Non, non, elle est en France. Il y a 500 km qui nous séparent. Oh, ce serait tellement drôle qu'on désamorce jamais et qu'elle fasse la route jusqu'au Luxembourg. Bah oui, parce que je rappelle quand même la règle du Pokélos. Tu dois lui faire croire que tu es perdu en train de chercher du Pokémon et tu dois la faire paniquer et elle doit dire « Ok, j'arrive, je viens te chercher. » Mais là, à mon avis, elle ne le dira jamais. Bah oui. Elle va plus, elle est vénère. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Bon. Écoute, on va voir, t'as une stratégie, t'as prévu des endroits un peu glauques et tout, pour lui faire peur? On va y aller au feeling, mais je sais qu'il y a le quartier de la gare, il est un peu bizarre, c'est glauque, okay. On évite d'y traîner. Bon, tu sais, on te fait confiance, on connaît pas bien le Luxembourg, hein, Simon. Et elle s'appelle comment, maman? Rachel. Ok, Rachel. Ben, en tout cas, si t'arrives à bien nous l'énerver et si elle accepte de venir te chercher, tu gagnes tes billets d'avion pour aller à Londres, pour continuer donc ton tour du monde, hein, Simon. Oui. Très beaux hôtels à Londres. Avec Vueling Airlines. Oui, allô? Allô? Allô, maman? Oui, Simon. J'ai un petit problème. Tu sais, j'étais chargée Pokémon Go, je t'en avais parlé. Ouais, et quoi? Ben, je suis partie au Luxembourg, c'est me promener en ville et tout. Et ouais. Puis, j'ai continué. Et puis, ça fait 3 heures, là, je suis perdue dans un endroit glauque. C'est pas possible. Mais écoute, mais t'es où, là? Ben, je sais pas. Mais il y a des prostituées partout. Il y a des gens chelous, maman, j'ai peur. S'il te mais plaît, Simon, demande jamais... à quelqu'un. Demande à quelqu'un de... Ils mais maman, français, il y a personne, là. Ils sont bizarres. Maman, ils sont bizarres, ces gens. Bon, ben bah, écoute, tu leur parles pas. Tu essayes d'avancer ou tu te mets à l'abri. Il n'y a pas un numéro à appeler, là. Les... Non. Comment... Maman, c'est parce que je voulais un Pikachu. J'ai fait 5 km. Mais maman, s'il te plaît, viens. Viens me chercher. Mais Simon, je peux pas venir te chercher. Comment je fais? Comment mais je fais là? Je vais arriver dans 4 heures. Il faut, mais c'est il pas faut grave. Que vous mettiez, je sais pas, hein, en sécurité et... Oh là là, mais c'est pas possible. Mais télécharge l'application, maman, allez, s'il te plaît, dis-moi. Ah oui. Non, je télécharge pas ces trucs-là, hein. Ça va pas, non? En fait, tu t'en fous de moi, je suis ton fils, mais t'as peur, mais je me fous pas de toi, Simon, mais comment je fais là? Il faut 4 heures pour venir te chercher. Il va falloir que tu te débrouilles. Tu prends des PV, c'est moi qui les paye, vas-y, viens me chercher. Mais Simon, c'est pas l'histoire de PV, c'est l'histoire de... J'ai ma journée dans les pattes, là. C'est à cause du ratata, en plus. J'ai eu un Pikachu, mais il manque le ratata. Oh non, mais arrête avec ces conneries, là. C'est quoi ces trucs de Pikachu, là? Ils sont tous en train de jouer avec ça, je t'ai déjà prévenu. Ah oui, c'est la mode. Hein? Allô? Bonsoir. Bonsoir, mon mignon. C'est quoi ça? Simon? Bonsoir, Simon, tu veux venir avec nous? Simon! Oui. Simon! Oui. Ah, Simon! Oui? Simon, t'avais quoi? Non, mais je peux pas faire ça. Moi non plus, ça met mal à l'aise, il a 17 ans. Oui, oui. Bonsoir, madame, Rachel! Allô? Oui, Rachel, ne paniquez c'est quoi, pas. Tout va bien, Simon est au Luxembourg, certes, mais il n'est pas parti chercher du Pokémon. Il est en sécurité, il n'y a pas de prostituées. Il est en direct sur Fun Radio dans notre émission, hein, Marion et Anne-Soul Night Show, tout simplement. C'est quoi ces trucs-là? Je suis pas bien, là. Oh, la pauvre. Oh, Rachel, vous êtes sur Fun Radio, tout va bien. Nous sommes un petit peu des sales gosses qui aimons nous amuser. Voilà, hein, le principe... Non, mais ça me fait pas rire, ça, là. Oui. Alors, on entend bien, Rachel. Hein. On entend bien. Il devait juste vous faire un petit peu paniquer en disant que, voilà, il était parti chercher du Pokémon. Ça, il me fait bien paniquer, là. Hein, oui, mais dites-vous quelque chose, Rachel. Il a pas fait ça pour rien, hein. Simon... Ah bon? Grâce à vous et grâce à la panique, même si vous n'avez pas accepté d'aller le chercher, on ne peut pas ne pas lui offrir. Bah c'est sûr, il y avait quand même 400 km, elle a la journée dans les pattes. C'est ça, oui, je ne peux pas aller le chercher comme ça en claquant des doigts. Je ferais n'importe quoi pour lui, mais là, ce n'était pas possible. Oui, là. Mais du coup, il a été quand même extrêmement bon comédien et vous, vous avez très bien réagi. Du coup, on lui offre les billets pour Londres, voilà. Bravo. Oh, super. Bah oui, et super. Ouais, vous partez à Londres avec Vueling Airlines. Bon, je lui en fais pas alors. Ah, super. Alors en même temps, les gars, c'était la première fois qu'on tentait un Pokélost avec autant de distance. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu plus paniquant, quoi. Hein. C'est compliqué. Oui, ok. Rachel, vous êtes une super maman. On va vous laisser en antenne, là, vous remettre de vos émotions, parler à Simon, tout ça. Et vous avez quand même gagné l'aller-retour pour Londres, c'est sympa. D'accord. Bon, écoutez, très bien. Je vous remercie. Simon, Rachel, on vous envoie des poutous et attention à tout ce qui est prostitué, hein, Simon. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Allez, on vous embrasse. Allez, merci, au revoir. Bisous. Pour vous inscrire, vous aussi, au Pokélost, ça se passe par mail marion@funradio.fr. C'est tout simple, vous mettez votre prénom, votre âge, vous dites objet Pokélost et nous, on vous rappelle dans la foulée, c'est promis, Yannick et Enzo se chargent de ça. 01 42 48 5000 pour faire de la radio avec nous et dans un instant, Enzo, est-ce que tu es prête à parler cul? Mais je suis toujours prête. Ce sera avec Bertrand. Bertrand nous appelle parce qu'une idée l'excite. Est-ce que tu veux la connaître maintenant? Oui. C'est très très étrange. Ça concerne sa meuf. Il a un fantasme. Il veut absolument lui raser le maillot. Bah oui, je sais, c'est chelou, mais ça l'excite à mort. Alors il sait pas s'il doit lui en parler, s'il doit garder ça pour lui, s'il doit le faire ou pas. Venez, on en parle ensemble juste après Sigala. Je sais, c'est chelou. I may be selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. C'est Marion et Enzo, le Night Show. On a passé une soirée de ouf avec Black M. J'ai envie de me refaire une de ces parodies là. On a créé pour lui des parodies de son titre à l'international. Laquelle tu veux, Enzo? Mais moi, je les ai toutes bien aimées. J'ai bien aimé la russe, moi. Allez, balance la russe. Yaruski, oni konyat be moye neye stoy. Mozet ba yo frode migendoy. Вот мне престоп прозидила ла, калашника и ла водка. Est-ce qu'on peut dire qui a fait ce... Bah ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on l'a pas dit avec Mais non, tout et je à trouve que c'est pas cool parce que c'est un artiste quand même. Ouais. Bah, c'est Enzo du Standard, évidemment. Merci. Alors, Enzo du Standard, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire tout ça? Est-ce que c'est l'album de la consécration? Bah, écoutez, les filles. Non, j'ai lu les Becherelles toutes les langues. Ouais. Et je me suis inspiré de Tolstoy, Guérépé, tout ça. Franchement, qu'il part en impro. Non, mais il chante juste. Je suis désolée, mais dans le rythme et tout, c'est pas facile de chanter chinois et tout quand même. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Bravo. Tu peux pas le refaire en russe? Essaye. Ouais. Yaruski. C'était le live d'Enzo. Bravo! Séance de dédicace à 20h demain. On va vous mettre toutes les vidéos là sur la chaîne YouTube Marion et Enzo. Bon, il va y en avoir beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de surprises. Voilà. Ouais, c'est mais c'est vrai qu'on a passé un super bon moment. Et les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez envie qu'on parle de cul? Oui. Ah ouais. Je vous entends pas. Est-ce que vous avez envie qu'on parle de cul? Ouais, ouais, j'ai envie. Et on est avec Florent de Rennes. Bonsoir Florent. Bonsoir à tous. Salut. Ça va Florent? Ouais, impeccable. Bah gosse. Alors, qu'est-ce qui se passe à Rennes pour toi, Florent? Dis-nous tout. Bah écoutez, à Rennes, tout se passe bien, mais bon, c'est vrai que je suis avec ma copine depuis quelques temps, et du coup, bah, j'ai un petit délire, mais j'ose pas lui en parler, c'est que j'aimerais bien qu'elle se rase le maillot. Ah, mais alors, j'avais pas du tout compris ça, moi. Moi non plus, je croyais que c'était toi qui voulais lui raser. Ah, alors. Bah c'est vachement moins drôle, du coup. Bah, oui. Parce que bah, c'est tout à fait normal qu'elle se rase le maillot, mon pote. Non, mais c'est-à-dire qu'elle le fait pas. Ouais. Déjà, et quand je lui en ai parlé, elle n'était pas chaude pour le faire. D'accord. Elle-même, après, si elle dit oui, oui, c'est sûr que j'aimerais bien que ce soit moi qui le fasse. Ah, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, quand même, ça ferait kiffer, j'avoue. Ah, donc tu veux, toi, lui raser le maillot? Oui, oui, oui. Ah, oui, d'accord. Ouais, mais oui, base, d'accord. Il veut déjà qu'elle se rase, ce que je peux comprendre, tu vois. C'est quoi cette nana qui ne se rase pas? Enfin, qui ne s'épile pas? Bah, c'est pas là. Les autres parties ça va, mais pas là. Je sais pas pourquoi. Après c'est assez cyclique, hein. Il y a eu une longue période genre des années 70, parce que je suis experte en épilation de maillot. C'est ton époque, hein. Non mais arrête. Dans les années 70, elle se rasait pas du tout le maillot et c'était plutôt excitant pour les garçons. Après là, depuis les années 90-2000, on aime bien qu'il y ait plus rien. Ouais. Moi ouais. Je préfère qu'il y ait plus rien, par moi exemple. Aussi. Mais je peux comprendre. Ça je peux comprendre. Mais alors après, de là à toi raser ta copine, c'est quand même une drôle de démarche. Bah moi déjà sur moi j'ai pas beaucoup de poils, j'adore quand c'est nickel et tout, et du coup c'est vrai que j'aime bien cette façon de faire, enfin c'est un geste que j'adore faire, me raser c'est un kiff. Un mec il est chelou. Qu'est-ce qu'il y a bon. Thibaut à l'arrière? Non mais c'est vrai, moi je suis tombé sur un vieux magazine genre des années, je sais pas, il y a 20, ouais. 30 ans, il y a du poil partout. Ah bah oui, c'est ouais. Sûr. Et même dans les livres d'histoire, les peintres et tout, les sculptures, ouais. Il y avait des poils. Bah oui, c'était pas à la mode à l'époque, ouais. Mais juste rassure-moi, en fait, t'es en train de me dire que t'imaginer en train de lui raser le maillot, ça t'excite? Ouais, un peu, ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, ouais, alors, ouais. Tu vas nous expliquer quelle est l'histoire, le délire, le geste autour de ça, hein, tout ça, parce que j'ai des questions à te poser. Et puis vous, 01 42 48 5000, appelez-nous pour nous dire, bah, nous raconter le truc qui vous excite. Ah oui, hein, le truc un peu improbable ou moi j'en ai. Le truc qui vous rend un petit peu tout feu tout flamme. Ah moi j'ai ça. Bah moi aussi j'en ai. Marion, t'en as? Évidemment. Eh ben on est des gros pervers. Allez, bougez pas, on revient tout de suite. Diplo, DJ Snake, Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio, le son dance floor. 3228, service payant, 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben-Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben-Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Fun Radio présente le jeu le plus attendu sur PlayStation 4. No Man's Sky. Embarqué pour un voyage épique vers le centre d'un univers sans limite. Soyez les premiers à atterrir sur des planètes inconnues, uniques et pleines de vie. Saurez-vous survivre dans des environnements hostiles dans lesquels des civilisations extraterrestres et des bandits veulent y faire régner leur loi? No Man's Sky est maintenant disponible sur PlayStation 4. L'univers est votre seule limite. Avec Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Radio, la radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio non-stop. Fun Radio. Fun Radio. If I told you was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, rise up. Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Dans le night show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The night show. Sur Fun Radio. Et on parle plus particulièrement des choses un peu improbables, un peu bizarres qui vous excitent. Appelez-nous, je vous rassure, vous pouvez passer en anonyme. On n'est pas obligé de donner ni le prénom ni la ville. Vous passez à l'antenne, on n'en parle pas, on demande rien sur vous. Vous nous dites le truc qui vous excite et qui est un peu chelou. Alors pourquoi on parle de ça si vous nous rejoignez? Bah, c'est parce que Florent de Rennes nous a appelé. Et Florent, bah, il est avec sa copine depuis un petit moment. Elle s'épile pas le maillot et lui a très très envie de lui-même lui raser le maillot parce que ça l'excite. Exactement. Donc Florent, tu nous disais que toi te raser c'était vraiment le truc que tu préférais faire au monde. Mais alors pourquoi? Je sais pas, je suis assez sportif et du coup c'est vrai que je fais de la natation et du coup c'est vrai qu'il faut enlever tous les poils pour être plus efficace. Enfin bref, c'est un détail, mais enfin, voilà, j'aime bien le geste en fait, j'aime bien tout enlever. Enfin voilà, je trouve ça stylé. Enfin voilà, ça me plaît quoi, sur moi. Et donc le faire sur quelqu'un, en plus ma copine, bah je me dis que je pourrais faire un peu de dessin, faire des formes et tout. Enfin voilà, ça me plaît quoi. C'est un artiste. Hein. Mais alors, est-ce que tu vas lui en parler? Comment tu comptes faire? Bah, pour l'instant, je l'ai pas fait et je sais pas du tout comment l'aborder, quoi. Donc, moi, je vous appelle, quoi. J'irai étape par étape. Ouais. Déjà, je lui dirais, écoute, ça me plairait que tu te rases ou que tu t'épiles. Parce que, voilà, je préfère, je te demande pas tout enlever. Tu peux y aller petit à petit, mais moi, ça me ferait plaisir, ok? Tu vois comment elle réagit. Tu la laisses le faire une ou deux fois. Et puis bah, petit à petit, si ça se passe bien, tu lui dis « Ah, mais ça me ferait trop marrer de le faire une fois. » Voilà, amène-le comme ça. Si tu lui dis « Ça m'excite de le faire », je pense qu'elle va prendre peur. Ouais, il y a moyen. Ouais. Et je te cache pas que... Mais Marion, tu te vois, toi, nue face à ton mec et qu'il te dise « Je vais te faire le maillot ». Bah non, pas du tout. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Hein, moi non plus. Enfin, c'est un truc qui touche pas, quoi. C'est hyper personnel, tu vois. Ouais, puis c'est une position dans laquelle t'as pas envie d'être. À la limite, devant une esthéticienne, déjà, c'est quand même pas très agréable. Ouais, c'est ça. Alors, devant ton mec, c'est quand même chaud, quoi. C'est chaud. Mais bon, après... Je trouve que Marion est de bons conseils et je pense qu'il faut que tu l'amènes comme ça petit à petit, ouais. Sinon elle va te prendre pour un psycho. Mode déconnette, quoi, un peu. Genre honnêtement, je pense que t'es pas le seul à avoir envie de faire ça. Mon avis, les garçons dans l'équipe, ça vous excite pas spécialement d'épiler une nana? Non. Non, mais si il veut se faire un kiff, il va chez Body Minute, tu vas passer une bonne journée. Hein. Il pourra pas le faire. Tu vois, il pourra même pas regarder, tu vois. Donc, non, il faut que tu lui en parles doucement, mais sûrement. Ouais. Okay. Moi, je vois ma copine, quand je lui propose de m'épiler le torse à la cire, elle est en kiff, quoi. Donc pourquoi pas moi ? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah oui ? C'est pas une zone intime, bichon. C'est pas pareil du tout. Et là, c'est une satisfaction en plus. C'est, ça tire, la meuf, elle tire, et puis ouais, c'est pas intime. Mais, et puis, globalement, c'est une zone quand même qui est suffisamment intime pour avoir très, très, vraiment confiance en l'autre, quoi, qui le fait. Hein. Faut pas te louper, hein. Oui, c'est sûr. Tu vois trop de détails, là, ça devient médical. Enfin, c'est médical, Et puis, tu peux la couper, sans déconner, tu peux lui faire mal. De toute façon, raser, c'est pourri à ce niveau-là, il faut épiler. Enfin bref, c'est un autre débat. Oui, c'est ça. Mais bon, fais ça, Florent, d'accord? Tu le fais, attaque ce week-end en douceur et puis tu nous tiens au courant, je serais curieuse de savoir comment elle a réagi. Ça marche, je vous rappellerai, pas de soucis. Bon, bah ça marche, on t'embrasse, mon Florent. Merci, bisous. Bisous, et puis vous, on vous a demandé les trucs qui vous excitent comme ça. Marion, toi, qu'est-ce qui t'excite? Alors, moi, c'est pas un truc chelou, improbable, hein, je vais pas m'inventer un truc. Par contre, il y a un truc qui me rend dingue, c'est les gratouilles, les gratte-gratte. Ah ouais, tu sais, les petites guilis là, que tu fais dans le cou, machin. Bon, bah ça, ça n'a rien de sexuel, mais moi, dès qu'on m'en fait, voilà. Moi aussi, j'adore faire ça, je pourrais passer des heures à faire des gratounes de dos. Ouais, ça, j'adore faire ça jusqu'à ce que l'autre s'endorme, j'adore faire ça. Amir, des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange qui t'excite un peu? Ouais, alors moi, il y a un truc qui me fait vraiment kiffer, c'est les meufs qui sentent le shampoing dans les cheveux, mais bien fort, quoi. Ah, genre ouais. Le LCF, mais vraiment le LCF, le L'Oréal, enfin, ils ont un peu tous la même odeur. Et les cheveux un peu mouillés. C'est putain, c'est un putain de kiff. Mais c'est vrai, je comprends, moi aussi je trouve ça assez excitant l'odeur du shampoing chez un homme. Tu mets quel shampoing par exemple toi Thibaut? Moi j'adore le, tu sais, le Viviel Dup à la mandarine, genre celui qui pique pas les yeux. Ah oh, c'est trop mignon ça, il y avait une pub, elle était stylée. Ouais. Ah tu l'as? Ouais je l'ai, la pub, elle est là. Évite les nœuds. Ah, Thibaut, il t'arrive quoi ce soir? Bah rien du tout. Calme-toi par contre. Attends, remets-la, moi j'aimais trop. Tu pas les yeux, évite les nœuds. Ouais. Dap. Dap. Ouais, bon, bah l'odeur des cheveux propres, ok. D'ailleurs, ne pique pas les yeux, c'était faux. Hein. Et permettez-moi de vous dire, je m'en suis mis plein les yeux exprès pour voir. Et ben, j'ai eu un petit rendez-vous chez Ophtalmo juste après. Hein. Après, ça pique pas les yeux si ça coule, c'est pas si t'en mets. Eh ben oui, mais est-ce qu'ils le disent dans la pub? Ah non. Ils auraient dit, ne pique pas les yeux si t'en mets pas dans les yeux. Vous me fatiguez. Il y a Sébastien de Nîmes qui nous a appelé. Bonsoir Seb. Salut les filles, salut l'équipe. Ça va Seb? Ouais, ça va très bien. Bon, alors dis-nous, est-ce que quelque chose de bizarre t'excite ou pas? Ouais, exactement. Moi, il y a un truc un petit peu bizarre qui m'excite, c'est l'odeur du linge sale. Oh. Alors, je sais pas pourquoi, ouais, un peu de transpiration et tout, ça donne envie de faire l'amour, mais c'est un truc de fou. D'accord, l'odeur de transpiration et du linge sale, là-bas, moi, ça me dégoûte. L'odeur du linge sale, ouais. D'accord, mais genre l'odeur des culottes et tout, ou plus les petits tops? Ben, un petit peu tout, même quand j'entre dans une laverie, je sens du linge un peu sale, pardon, ça me donne envie de faire l'amour, et c'est un peu du mal, ça me déclenche des trucs de fou. Non mais parce qu'à la limite la transpiration, tu sais, l'odeur de ton mec qui a un peu transpiré, pourquoi pas, je veux dire, c'est... Mais le linge sale des autres déjà, même le linge sale de mon... Même mon linge sale, moi me dégoûte. Moi aussi là, Seb, on te suit pas là-dessus, mais enfin pourquoi pas, mais alors du coup, est-ce que tes copines le savent? Comment tu gères? Est-ce que tu leur demandes du linge sale? Comment ça se passe? Non, j'ai jamais dit à ma chérie ça, c'est un truc que je garde pour moi. Ouais. Mais j'avoue que son linge sale à elle, ça m'excite encore en plus. Alors... Si je peux te donner un conseil ce soir, ne lui dis jamais. Ouais. Jamais, hein. Alors là, il n'y a pas de méthode, hein. C'est même pas en douceur, hein. Jamais. Hein? D'accord, bah écoute, je prends ton conseil. Oui, prends-le, parce que sinon tu vas perdre ta meuf. Elle est trop claire. Ça va très bien comme ça, donc je reste comme ça. Ça marche, mon pote. Bah, merci de t'être livré là dans le night show, c'est super sympa. Merci à vous, je vous embrasse. Salut Seb, bisous. Ciao. Il y a Solène aussi à Nanterre qui est avec nous. Bonsoir Solène. Bonsoir tout le monde. Ça va Solène? Ça va super. Alors, dis-nous, je sais que c'est pas ton vrai prénom, ne t'inquiète pas, personne ne va te reconnaître. Qu'est-ce qui t'excite? Disons qu'en fait, moi, j'aime bien regarder mon copain quand il va aux toilettes. Mais genre vraiment discret. Mais c'est vraiment quoi que ça soit, tout ça. Et du coup, je le mate, parce que du coup, il est pas au courant. Donc, j'essaye de le remater discrètement. Mais du coup, c'est vrai que ça m'excite bien, on va dire. Attends, parce qu'il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que soit... T'aimes bien le regarder quand il est debout et qu'il fait pipi, ou alors quand il est assis et qu'il fait l'autre? Ah, mais les deux? À partir du moment où il baisse son pantalon, c'est fini. D'accord, mais alors je comprends pas ce qui t'excite de voir ton mec faire la grosse commission. Je te jure. D'accord. Et franchement, ça s'explique pas. D'accord. Et l'odeur et tout? Non, parce que je suis pas dans la même pièce que lui non plus. Enfin, la porte elle est ouverte, moi je suis dans le salon, je vois à peu près, j'essaye de me placer pour voir un petit peu dans l'entrebâillement de la porte et voilà quoi. D'accord. Et il t'a jamais grillé en train de le regarder ? Non, jamais. Parce qu'au pire, quand il lève les yeux, il me regarde, je détourne le regard et ça passe naturel, quoi. Wow ! Et ben là, là, je sais pas quoi te dire. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Quelqu'un qui était excité par le fait de regarder son mec aux toilettes. Jamais. Franchement, je sais pas. Mais après, voilà, c'est pipi caca. Enfin, ça, ça m'intéresse pas. Au pire, ça me répugne. Mais je sais pas. Enfin, je le trouve tellement sexy qu'au final, enfin, voilà, dans la, ou même quand il est sous la douche. Enfin, c'est, enfin voilà. C'est, ah oui, mais sous la douche, c'est plus naturel, on va dire. Oui. Mais même au chiottes, enfin, je sais pas, j'aime bien. Il y a une petite différence entre la douche et le chiottes. Permets-moi de. Enfin, chez, moi, chez moi, c'est dans la même pièce, mais bon. D'accord. Mais voilà. Ah. Ah bah si c'est dans la même pièce. Tout s'explique, hein. D'accord. Et alors pour elle, le combo, c'est si son mec yèche sous la douche. Ah bah là, elle n'en peut plus. C'est plus de ouf. Bon bah écoute ma chérie, on n'a pas d'explication à te donner. Mais voilà, si t'es heureuse comme ça et que lui ça le dérange pas, bah continuez, hein. Bah oui, bah, il est surtout pas au courant. Mais ouais, bah, ouais, moi si ça continue comme ça, ça me va, hein. Bon. Et bah tant mieux. Eh ben écoute, longue vie sur l'autoroute du chelou. On t'embrasse ma Solène, merci de nous avoir appelés. Gros bisous, ciao, bye. Bisous, on va bye. Vous laisser dans quelques secondes avec Party Fun avec un DJ ce soir. Oui, le DJ c'est Zou. Zou. Qui sera avec dans Party Fun DJ Mag. Bon, eh ben top, mais avant ça j'ai envie de faire le petit tour de table habituel. Qu'est-ce qu'ils ont retenu ceux-là ce soir ? Interro surprise, on commence par Anso. Eh bien moi j'ai retenu que Black M serait à Tours demain. Non, c'est nul. Bah si, c'est vrai, il est bien à Tours demain. Pas bête. Amir. Moi j'ai retenu qu'a priori, ce qui paraît, les gens disent ça, Enzo est fort en impro, voilà. C'est vrai, et surtout en drague. Enzo. Merci. Justement. Moi j'ai appris que Thibaut il kiffait les mains des femmes. Ouais. D'accord. Je l'ai dit en antenne tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça, ouais. Parce que moi je l'ai pas entendu. Tu kiffes les mains des femmes, toi? Ah mais ça me fait... j'adore. Mais... Non, il kiffe pas les mains des femmes, il nous en ouais. a parlé tout à l'heure. Il kiffe les bagues de phalanges. Et ouais. comme j'arrête pas d'en porter en ce moment, ah j'ai ouais. l'impression que Thibaut me kiffe. Ah mais je vous kiffe toutes. Ah c'est tous. Vrai. Ah c'est drôle d'aimer ça. Ouais. Bon, et toi justement, t'as appris quoi? Moi j'ai appris que Black M, il avait pris l'application de Pokémon Go et qu'il avait pas surkiffé. Voilà. C'est vrai. C'est ouais. vrai, il l'a pas joué beaucoup. Et toi, Babel, t'as appris quoi ce soir? Bah moi, j'ai appris que Studio Daniel, elle est juste énorme et qu'on s'est éclaté de ouf avec Black M. Et j'ai vraiment hâte de voir toutes les vidéos là qui arrivent sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Soyez au taquet, ça va arriver demain au plus tard. Demain matin. On vous met toutes les images, on va tout mettre en vidéo parce qu'il y a vraiment eu du lourd. Je pense au moins 3-4 vidéos. Hein. Je préviens déjà le graphiste qui fait la gueule. Ouais. Tu vas y passer la nuit. Ouais. Désolé, mon pote. On va faire une chaîne YouTube d'ailleurs, juste pour ouais. les soirs. Juste pour les soirs. Et puis bah nous, les potos, on va se retrouver dimanche soir en ouais. direct parce que c'est le week-end pour nous. Soyez là dimanche, on vous réserve des surprises avec le retour du smoothie du dimanche, les gars. Ouais, ouais. On va vous expliquer quand même ce qu'est le smoothie du dimanche, hein. Vous allez nous proposer des ingrédients, on va les mixer dans un mixeur. Oui. Et on va en faire un smoothie, on va le boire pour lier notre amitié. La dernière fois, on avait eu que des sardines, trucs sardines, vinaigre, dégueulasse. Voilà, c'est ça. Donc, prochain smoothie du dimanche à suivre sur les réseaux sociaux. Soyez là dimanche soir et demain matin, ne manquez pas Bruno dans la radio avec tous les potos Vaché, Christina, Elliot. Ils envoient du lourd chaque matin, moi je les écoute tout le temps. Hein. Ah ouais, moi ils me font rire, je ris. Hein, je... On finit en chanson l'équipe. Est-ce yes. qu'on était content d'être là? Hey. On était content d'être là. Minuit. Les plus grands DJ de la planète sur Fun Radio. Oliver Eldon. Hey, this is Chucky. Hardwell. Oumet Oskan. Sébastien Bennett. Hi, this is Laidback Luke. Nicky Romero. Sultan and Ned Shepard. Nervo. Don Diablo. Gregory Klossman. Hey, it's Rehab. 3, 2, 1, 0. Et ce soir, c'est Party Fun spécial DJ Mag avec le mix de Zou. Merci les filles, merci Marion et Anso. Bon week-end à vous, c'est Adrien Thomas. Je passe la soirée avec vous jusqu'à 1h du matin. Et ce soir, comme tous les mois, Party Fun by DJ Mag France. Et ce soir, il nous invite Zou ici à mixer sur Fun Radio pendant 1h. Le mix de Zou, exclusivement dans Party Fun sur Fun Radio. Sky. DJ Mag by Zoo.

Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio.